Salut à vous qui aimez la mousse, les champignons et les feuilles mortes. Bienvenue dans un nouveau podcast Milvaux avec comme thème 1000 façons de jouer à Inforenza. Donc avant de présenter mes magnifiques et verdoyants invités, j'explique un petit peu le sujet. Donc là, Inflorenza, le jeu des héros, des salauds et des martyrs dans l'enfer forestier de Milvaux, a été publié, ça fait un gros 2 ans et demi, presque 3 ans. Et donc, eh ben, y a pas mal de personnes qui m'ont fait l'honneur d'y jouer, dont vous quatre, mes chers invités. Et ce que j'ai pu constater, qui n'était pas forcément prévu quand j'ai écrit le jeu, c'est que Inforenza s'est avéré être assez plastique, en fait, être un jeu un peu pâte à modeler. Et du coup, y a eu pas mal de gameplay émergent, il y a eu pas mal de comptes rendus de partie qui m'ont fait également très plaisir et où j'ai pu constater que, eh ben, y avait 1000 façons de jouer à Inforenza. Alors, je vais vous présenter vite fait, mais je vous inviterai à détailler un petit peu. Donc, dans l'ordre que je les vois, il y a Arjuna Khan, l'homme sans tabou, la personne sans tabou, sans aucune limite. Il y a Eugénie, qui n'est pas MJ, mais. Il y a Félix, qui se fait représenter par un bot sur Twitter en général. C'est le Cédric Villani du jeu de rôle. Et puis pour finir, il y a Julien qui ne joue que le lundi. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur cette présentation succincte. Non, c'était parfait. Non, c'était très complet. Bon, c'est cool. Alors, je vais dire vite fait, ça permettra un peu de se repérer les différents sujets dans lesquels vous vouliez parler. Il y avait essentiellement les personnages, hein, jouer les personnages qu'on jouait à Inforenza, les théâtres, le jeu en campagne, contraintes et libertés, c'est-à-dire tous les exercices de style qu'on peut se donner, exporter les règles d'Inforenza vers un autre univers, et pour finir, les variantes d'Inforenza. Donc, avant de démarrer, un petit avertissement, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'en préparant, on s'était posé la question, notamment avec Félix, de est-ce que ça allait être pas un petit peu ennuyeux de. Comment toi, Félix, c'était surtout des anecdotes de partie qui te venaient à l'esprit quand tu voulais expliquer ta façon de jouer à Inforenza. Et tu te demandais si c'était pertinent, intéressant, tout ça. Moi, personnellement, je trouve ça super intéressant. Moi, ce qui m'a fait beaucoup voyager, de toute façon, c'est les comptes rendus de parties que vous avez écrits sur Inforenza. Et moi, quand je parle du jeu, de toute façon, c'est aussi des anecdotes de parties qui me viennent à l'esprit. Et à la limite, c'est là tout l'intérêt d'un jeu de rôle. Enfin, s'il y en a des anecdotes de parties sympas à l'esprit, c'est bien que on a réussi à faire quelque chose de cool avec le jeu, quoi. Donc, au contraire, hein, vous avez le champ libre pour les anecdotes de partie. Donc, la première partie, c'était les personnages qu'on peut jouer à Inforenza. Alors, bon, je pense que vous l'avez tous bien compris quand vous m'avez énoncé de ce dont vous vouliez parler. On va parler de gameplay émergent, c'est-à-dire que c'est pas du tout un podcast pour présenter, on va dire, la façon générique de jouer à Inforenza ou la façon, entre guillemets, de jouer à la lettre, les règles d'Inforenza. C'est plutôt vous, comment vous êtes approprié le machin. Donc c'est un peu, si on veut dire, ça va s'adresser à un auditorium, entre guillemets, soit qui a envie de connaître un petit peu qu'est-ce qui se passe avec Inforenza quand on pousse le jeu un petit peu dans les tours, quoi, entre guillemets, c'est quoi un petit peu, pas la façon, je dirais pas la façon avancée de jouer à Inforenza, mais la façon appropriée d'y jouer, enfin, comment on peut s'approprier le jeu. Et donc, première partie, j'avais dit les personnages, et donc. Arjuna, tu veux nous parler justement de comment tu cassais les codes avec Inforenza, avec notamment le syndrome du hors-la-porn. Qu'est-ce que c'est? Sous ce terme putassier et enjôleur. Alors, je voulais aborder aussi un autre sujet qui est jouer un seul personnage À avec plusieurs, ouais, effectivement. à plusieurs joueurs. Mais puisque tu veux démarrer déjà sur ce qu'il y a de plus violent et de plus bordélique, je vais donc parler syndrome du hors-la-porn. Le hors-la-porn, c'est un terme que tu m'avais toi-même décrit dans les premiers comptes rendus de partie il y a longtemps que j'avais pu faire sur Terre Ouais, Zéro. j'appelle ça la surenchère hors-la dans le livre de base. Voilà, et c'est Ça vraiment fait la grand manière. rêver. Pardon. C'est ça. C'est vraiment de la manière de faire de la pornographie dans Influenza. Non pas forcément avec du sexe, quoi qu'on pourrait, hein, faut pas se priver, mais c'est vraiment être dans la surenchère, être dans l'exagération, être dans le grandiloquent, quoi. Moi, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai dû accumuler, je sais pas, peut-être une bonne quarantaine de parties d'Influenza, parce que c'est un peu le jeu, quand j'ai pas de jeu quelque part, je peux le ressortir de tête, sans difficulté, à force d'y jouer. Et c'est pas qu'on s'emmerde, mais on finit par reproduire souvent les mêmes choses. Et je me souviens que le grand maître Thomas m'avait interdit de faire du hors-la-porn, en tout cas, il m'avait dit que ça partait souvent en sucette. Et j'avais réfléchi au fait de, ben, si justement je veux renouveler mon expérience, il faut que je prenne les Il faut que ça interdits parte en sucette, c'est ça. et que j'essaie de les braver. Je tiens à dire que là où j'ai cassé le plus les codes, c'est pas sur des parties de convention, c'est pas sur des parties avec des inconnus, c'est des parties avec des gens que je connais ou des gens qui ont envie d'avoir des expériences particulières. Et le hors-la-porn, bah, c'est dire, on va réfléchir, ben, comment faire une narration la plus exagérée possible et que ce soit fun, quoi, entre guillemets. Et j'ai fait plusieurs parties d'un théâtre, enfin un théâtre, enfin, c'est un bien gros mot, mais une façon de jouer Influenza que j'ai appelée l'effet papillon, en fait. Où, ben, en fait, ce qui fait que ça part en sucette à Influenza, avec le hors-la-porn, avec cette surenchère, c'est qu'il y a des personnages, en fait, dans Influenza, on joue des personnages. Et donc, j'ai décidé d'enlever tout ça et de procéder différemment. L'idée, c'était d'explorer le monde de Milvaux, mais comme on ne l'a jamais fait, sans contrainte de temps, d'espace, de cohérence. De plutôt, ben, comme un effet papillon, avoir une espèce de toute une constellation d'événements qui n'ont pas forcément de sens les uns avec les autres, mais au sein duquel une histoire se dessine petit à petit. La manière que j'avais de jouer était assez simple en fait. C'est-à-dire, on va, au lieu de commencer une phrase avec le verbe vouloir, etc., on commençait une phrase avec le terme il y a et on se mettait à faire des descriptions sur le monde, comment l'égrégore animait le monde qu'on était en train d'explorer. L'idée, c'est de faire une surenchère de descriptions qui soit de plus en plus grande, qui soit de plus en plus grandiloquente et que ça montre ce qui se passe dans Milvaux, comment les Grégors s'animent, comment les Orlas peuvent se construire, etc. Et le but du jeu, c'était donc d'être dans des narrations de plus en plus grandiloquentes et d'avoir un aspect presque compétitif dans le truc. Et de toujours s'inspirer, non pas de nos propres phrases, mais toujours des phrases des autres. C'est-à-dire, si on commence à décrire un arbre gigantesque qui s'anime et qui prend vie, ben quelqu'un d'autre va reprendre cette idée. Et plus on raconte d'histoire, Une sorte de plus cadavre exquis un petit peu, quoi. c'est ça, voilà. Plus on raconte d'éléments, plus ça prend forme, en fait. C'est un peu comme une espèce de toile d'araignée. J'avais été inspiré par ça, par un bouquin de Robert Silvenberg, qui s'appelle Le Fils de l'Homme, en fait, où il y a un homme comme vous et moi qui est propulsé dans l'espèce de lointain futur, où il assiste à toutes ces descendances dans l'évolution de l'humanité et toutes les races qui peuvent exister, en fait. Et c'est tellement indescriptible, c'est tellement difficile à formuler, qu'on est sans arrêt en train d'essayer de décrire des sensations qui n'existent pas, qui ne sont pas imaginables. Et c'est là qu'on va retrouver un petit peu Lovecraft. Ouais, puis avec des Et shoots de scénettes un petit peu comme à la fin de Bien Odyssée de l'espace, ou des espèces de shoots de sensations qui s'enchaînent. voilà, c'est ça. Donc, c'était une manière de jouer qui était très différente. Au lieu de décrire et de vivre en personnage, on vivait et on décrivait un décor qui s'animait et chacun reprenait une idée des autres Et c'est des parties très expérimentales, mais qui étrangement marchaient très bien avec des gens qui étaient très peu habitués au jeu de rôle. Mais est-ce que tu Et jouais des conflits? non, je jouais pas du tout de conflit. J'ai vraiment juste repris Juste les narrations libres pour pas avoir. des fins d'instance sans conflit, quoi, en fait. C'est Tu ça. jettes le dé, tu rajoutes une phrase, ok. C'est ça. Et c'était. C'est une question que je me posais. C'est que si on veut jouer des choses très étranges, telles que des montagnes, comme tu le suggérais dans la base, ce qui peut être intéressant, c'est justement de ne pas faire de conflits, mais juste d'avoir des narrations qui rebondissent les uns sur les autres. Et là, c'était une manière d'utiliser une Floranza qui est juste une figure de style, en fait, et qui est encore plus proche de l'exercice d'écriture, quoi. Carrément, ouais. Et donc ça, c'était une sorte de continuation du hors-la-porn, en fait, c'est ça? Ou c'est encore autre chose, quoi? C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire narrer toujours quelque chose de plus gros, de plus important, de plus extraordinaire et savoir jusqu'où on pouvait pousser l'exercice de style, quoi. Ok, c'est cool. Et si, oui, c'est pareil, hein, c'est vrai que j'ai noté un petit peu, enfin, je donne la parole à certaines personnes parce qu'on suit le plan, mais évidemment, commenter, enfin, hein, vous pouvez carrément hacker l'instance de la Ça personne marche. joueuse en cours, hein, sentez-vous libre. Hein. Ben, je vais me le permettre alors parce qu'il y a quelque chose d'intéressant enfin, déjà, moi, ta façon de jouer là, elle me donne vachement envie. Il y a un truc intéressant dans ce que tu as dit au début, c'est de virer le vouloir de la première phrase et de partir sur d'autres styles de première phrase que ce qui est décrit dans Prémices, le. Ouais, d'autres prémices. Et ça, c'est quelque chose. Chose ben, qu'on a pas mal testé dans mon groupe. En fait, ça s'est imposé petit à petit, et je vois quatre manières en fait avec lesquelles on a procédé. Ben, si vous voulez bien que je prenne 5 minutes pour les expliquer puis donner des exemples. La première, c'était en prétextant un but commun. Ça, c'est la première fois. Bon, j'empiète un peu sur le truc à venir sur la campagne, mais on s'était dit que plutôt que de donner une volonté propre aux personnages, de les faire tous partir dans la même direction et de se mettre d'accord sur ce qu'ils voulaient tous. Et on était parti sur l'idée d'un pèlerinage à Compostelle. Et ça te permet de jouer un peu coop, ce qui n'est pas forcément le plus évident à Inflorenza, généralement pour jouer coop. Moi, je sais que les seules fois où j'ai co joué coop, c'est qu'on s'était bien mis d'accord. Effectivement, il y a Corbeau des Balkans, notamment. Je m'étais bien mis d'accord avec la table pour dire, bon, bah là, on joue, nos personnages, ils sont main dans la main, quoi. Et c'est vrai que si tu joues les règles de base, ça va quand même très vite partir sur du PVP, quoi. Bah voilà, Après, voilà. ça nous a pas empêché de nous affronter pour savoir qui allait prendre le pas l'ascendant sur le groupe, etc. Mais au moins, on avançait dans la même direction, quoi. Ouais, c'est du PVP à la marge, du coup. Ouais, et en fait, ça permettait. On est arrivé là-dessus parce qu'on s'était rendu compte dans nos premières parties. Alors, c'était aussi un manque de pratique d'Inflorenza, qu'on avait tendance à faire des trucs un peu cycliques où finalement tout le monde se mettait tellement des bâtons dans les roues que l'aventure n'avançait pas. Et c'était un moyen qu'on avait trouvé pour pouvoir partir dans une direction commune et éventuellement faire plusieurs parties en suivant les personnages. Il y avait une autre chose aussi auquel je pense, mais ça ça fait partie de ce qu'on a joué ensemble, Thomas, c'est en cassant la narration complètement, quoi. Pour donner l'exemple, c'était la partie de Inflorenza Mindfuck qu'on avait fait où on jouait des personnages qui se retrouvaient sur trois théâtres différents. Et où finalement l'alternance de théâtre faisait que la volonté propre des personnages n'était pas spécialement comment difficile à poursuivre, elle était difficile à poursuivre, pardon. Et finalement, je crois qu'on avait joué sans phrase du tout sur cette partie, juste en suivant ce qui venait et pareil dans une manière de cadavre exquis, mais beaucoup plus contrainte que ce dont parlait Arjuna. On avait des phrases, mais je pense que c'était plutôt qu'on jouait moins la volonté des personnages qu'autre chose, quoi. Qu'on était plus à regarder nos personnages qu'à incarner leur lutte, j'imagine, quoi. Ouais, c'était quelque chose d'extérieur qui poussait plutôt les mouvements des personnages qu'une volonté propre. Ouais. Je pense qu'on n'avait pas trop d'idées sur les motivations de nos personnages. C'est un truc, ça émergeait du jeu, quoi. La troisième situation, c'est ce qu'on avait fait quand on a joué le Mexican Standoff, c'est-à-dire plutôt que d'avoir une volonté, on pose une situation de départ et puis on balance les personnages dedans et on voit comment ça se passe. Juste pour Alors là, en info, donc, l'occurrence. Mexican Standoff, c'est une partie que j'ai appelée Duel. Et pour le moment, elle est juste sur YouTube. Le compte-rendu écrit devrait arriver à un de ces quatre. Voilà, c'est juste pour situer. Et le principe, c'est qu'on jouait trois personnages, chacun en train de braquer les, enfin, chaque personnage des joueurs braquait deux autres personnages. Et on commence là-dessus, et ensuite on part en flashback, et toute la partie se déroule avant cet instant pour amener à cet instant. Donc là, pas besoin de vouloir, puisque finalement on a une direction de jeu qui est claire. Et ça m'amène à la quatrième possibilité, et ça, c'est celle que j'utilise. Que j'ai le plus envie d'utiliser, que j'ai utilisé sur quelques parties déjà, c'est juste en faisant confiance aux joueurs et en disant ben, allez-y, rock'n'roll, on crée ce qu'on veut et on voit comment on se branche les uns sur les autres, quoi. Et ça m'amène à un truc important que moi j'ai appris en jouant à Influenza, c'est juste faire confiance aux autres joueurs et surtout les challenger. C'est-à-dire que quand tu es dans ton instance, il faut bien sûr voir comment tu vas développer ta partie de l'histoire, mais surtout, et là ça rejoint encore ce que disait Arjuna sur le fait d'utiliser les phrases des autres pour construire sa propre vision de Milvo, c'est juste de dire bah, je vais vous poser un truc les gars et à vous de vous en emparer et faites-en un truc chouette, remettez-le moi dans la gueule. Faites quelque chose avec ça, quoi. Et savoir que quand les joueurs font n'importe quoi, c'est pas grave. Parce que moi, j'ai joué un saumon mort sur un théâtre épistolaire. Bah, c'est passé. Donc, voilà. Lorenza, ça permet ça aussi, des fois. Je réagis ce que tu disais de challenge, Julien. J'ai un souvenir justement d'une partie avec un personnage très particulier qui était un Orla qui n'avait pas conscience d'exister, qui n'existait pas, qu'on ne voyait pas, qui n'avait aucune forme, et qui n'avait que pour seule et unique action possible de rendre des souvenirs aux gens. Et la joueuse qu'il a incarnée a passé quasiment 2 tours d'Influenza sans nous dire que c'était un Orla bizarre. On l'a vu apparaître dans la fiction en même temps qu'un autre personnage, on n'avait pas eu de description physique, mais on imaginait que cette personne avait 2 bras, 2 jambes, se baladait et racontait des choses aux gens. Et c'est assez tard qu'on s'est rendu compte qu'elle se contentait d'utiliser nos phrases pour nous raconter des bribes de souvenirs, changer des choses dont on ne se souvenait pas, et ainsi de suite, quoi. Et il c'est y avait ça. marrant, tu vois, Félix, parce que ça, ce genre de personnage, c'est une figure récurrente que j'ai pu moi-même observer. La partie, la succession de Chamanours qu'on avait joué avec Julien. Et Eugénie, il y avait le jeu Épicte qui avait joué une espèce Une ombre. d'esprit qui se promenait, ouais, une ombre qui se promenait autour du village et voilà, qui était incarné nulle part. J'ai fait une partie du chemin de Compostelle, il y avait un joueur. En fait, si tu veux, pendant, je pense, les 2 premiers tiers de la partie, il ne savait juste pas quoi était son personnage, quoi. Et puis, on a réussi à se fixer sur le fait qu'il était l'Esprit Saint. Et je crois que j'en ai eu un. Ah oui, c'est pareil, j'ai eu une joueuse dans la partie, comment, une partie qui se passe en Autriche, les Orphelins de Vienne, qui jouait en fait la destinée, une espèce d'incarnation de l'égrégore. C'est pareil, le personnage n'avait aucune enveloppe charnelle et il se contentait en fait d'utiliser, si tu veux, ses phrases et ses dés pour influer sur le destin des autres. Un peu à sa guise, quoi. C'était d'autant plus présent dans la succession de Chaman Ours que l'ombre en question, le personnage a voulu se laisser de la marge lors des premiers tours pour développer quelque chose. Le joueur a voulu se laisser de la marge pour développer quelque chose. Et finalement, l'ombre n'a jamais éclos. On n'a jamais vraiment su ce que c'était. On a fait des hypothèses. Ça n'a jamais vraiment été ça. Et c'était assez marrant de voir qu'un personnage peut rester totalement indéterminé et avoir une action à la marge. Et quand même, m'a occupé beaucoup, beaucoup ses petits camarades par ce qu'elle dit, par ce qu'elle fait, et en posant des pistes qui vont influencer leur narration, même si c'est faux, quoi. Et c'est presque un proto-MJ pour le coup, aussi, quoi. C'est presque un rôle de vaguement MJ, quoi. Un peu comme les nuances à prosopopée. Pourtant, c'est les rôles qui peuvent avoir beaucoup d'implications émotionnelles et d'implications dans ce qui se passe. Donc, même avec des présences très abstraites comme ça, on se retrouve Ouais, avec parce que ça peut te forcé de permettre jouer des d'être une choses, sorte quoi. de spectateur actif, quoi. Oui, bah ce hors-là complètement inconscient qu'on avait eu à notre partie, moi j'avais fini avec mon personnage par le forcer à prendre un corps et le forcer à devenir conscient pour qu'elle se rende compte de ses actes. Et j'ai souvenir d'une autre partie où 2 hors-là étaient absolument centraux dans l'histoire et l'un était quelque chose comme la personnification du carnaval, l'autre était la personnification de l'amour de la vie, encore plus bizarre. Et on a regardé leur histoire d'amour. Ils se rencontraient une fois par an, ça faisait des tas de choses, et ils s'aimaient alors que c'était des PNJ abstraits bizarres, quoi. Influenza suffisait à leur donner des intentions, leur faire arriver des histoires, des événements, et ainsi de suite. Ouais, puis quelque part, t'as pas besoin d'un corps pour interagir, pour lancer un conflit. C'est peut-être ça aussi qui le permet, quoi. T'as même pas besoin d'être présent, en fait, dans la scène. Ça nous l'a fait pas mal sur le théâtre L'Autoroute des Larmes, qui est pourtant un théâtre très concret, avec assez peu de fantastique, où on avait un joueur, Épicte, qui avait une phrase, et qui était vachement en marge en fait de l'action, mais qui avait une phrase qui était « la vie c'est de la merde », parce qu'il jouait vachement misère sociale, etc. L'Autoroute des Larmes, ça se passe dans les forêts canadiennes, sur fond de réserves indiennes, de disparitions, etc. Du coup, en fait, il a pris une importance monstrueuse dans tous les duels, parce que à chaque fois, il pesait comme une espèce de destin qui empêchait tous les personnages de prendre leur envol, parce que la vie c'est de la merde. Et rien que ça suffisait en fait à faire à l'incruster, mais jusque dans l'ADN de la partie, quoi. Ouais, il a incarné une sorte de couleur, quoi, pour le coup, quoi. Je sais pas d'ailleurs si ça vient. Incarnée, ouais. Je sais pas d'ailleurs si ça vient de l'égrégore ou de, je sais pas, de ce genre de concept, mais il y a Influenza, comme vous dites, il y a souvent des personnages extrêmement symboliques, presque sortis du conte. Moi, j'ai vu très souvent des gens jouer par le biais de Orla ou non, mais la destinée, la mort, les regrets, enfin des concepts. Super, l'hiver. Je trouve qu'un des trucs qui amène ça, c'est... Pardon, vas-y. Non, mais j'avais fini, vas-y, Félix. Ah, désolé. Une des choses qui a amené ça de façon un peu surprenante, c'était vraiment la règle qui dit qu'en gagnant avec des sacrifices, on perd des phrases, parfois énormément. Quand on a un personnage qui gagne quelque chose d'important en perdant presque toutes ses phrases, on est tenté de perdre les phrases les plus significatives, celles qui fondaient le personnage, et en garder une toute dernière, une avec un sens particulier. Et je pense que c'est quelque chose qui amène beaucoup les personnages à incarner, personnifier un élément très important d'eux. Ouais, ou à se désincarner, pour le coup. C'est vrai. L'exemple des deux, en fait, j'ai un vieux chevalier qui revenait voir ses anciens amis pour les exhorter à se lancer dans une vengeance terrible, qui a presque tout perdu dans le conflit, et qui n'a gardé que sa vengeance en tête, mais plus son individualité. Et il a fini par fusionner avec les autres et devenir une espèce d'entité d'esprit de ruche, en fait. 20 chevaliers qui réfléchissent comme un seul et qui n'ont plus d'autres choses à faire dans la vie que de se venger. Là-dessus, justement, donc, ce que tu es en train d'évoquer, c'est finalement plusieurs personnages joués en un, quoi, reliés par un esprit de ruche. Moi, j'ai souvenir d'une partie qui s'appelle HMS Wilderness, où en fait, on joue des sous-mariniers qui sortent du sous-marin pour faire une expédition de reconnaissance, parce qu'il y a une espèce de monstre qui fout la pagaille en dehors du sous-marin. Et en fait, comme personnage, on a deux sous-mariniers et puis le capitaine du sous-marin. Et lui, en fait, il ne peut pas sortir, c'est le boss, tu vois, il ne va pas sortir en personne. Donc, il envoie un troisième sous-marinier, qui est au début une figurante, qui est sa propre fille. Et en fait, il a passé tout le reste du scénario à jouer à la fois le père capitaine qui restait à bord du sous-marin et sa fille qui était à l'extérieur, qui faisait partie du commando de reconnaissance, quoi. Et en fait, il y avait des conflits qui impliquaient finalement sa fille. Et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, toutes les phrases qu'il avait écrites parlaient du lien qu'il avait avec sa fille. Et du coup, à chaque fois qu'il envoyait sa fille à la mort dans l'opération de reconnaissance, il utilisait tous ces dés-là pour faire agir la fille, quoi. J'ai eu ça dans une partie que j'ai jouée cet été autour d'un théâtre bâti sur les guerres médiques de Hérodote. Bon, alors largement revue sauce mille veaux, hein. Et on avait parmi les joueurs autour de la table, l'un a décidé de jouer un guerrier qui était mort et qui avait été ressuscité, un peu sous forme de zombie. Et on s'est rendu compte qu'une partie non négligeable de l'armée, au fur et à mesure qu'on avançait dans la partie, était constituée de ces soldats. Et c'est finalement au troisième tour d'instance où on s'est rendu compte qu'ils avaient tous la même, ils étaient reliés par le même esprit. Et finalement, le joueur s'est retrouvé à jouer une troupe de 300 soldats qui se met à la pagaille dans le camp et qui ont commencé à prendre leur destin en main après avoir suivi consciencieusement les ordres qu'on leur donnait pendant tout ce temps. Et c'était assez bizarre de voir la démultiplication et sur des scènes où ça donnait des effets très très intéressants et très impressionnants, où d'un seul coup il y avait des soldats qui sortaient de partout, et sur l'ensemble des instances, puisqu'il était toujours présent d'une manière ou d'une autre, et il s'est retrouvé à faire le lien entre des personnages qui étaient très écartés l'un de l'autre parce que tous ces esprits pouvaient communiquer en même temps. Alors même avec les Grégor qui permet ce genre de choses, là ça matérialisait presque l'instantanéité de la transmission de pensée de les Grégor. Et inversement, Arjuna, tu t'avais noté que tu avais déjà joué un seul personnage à plusieurs. Oui, en fait, je suis. Il y a un bouquin dans ma vie qui m'a beaucoup marqué. Il s'appelle Frankenstein, que 2-3 connaîtront, je pense. Au moins par le biais de films nanardesques des années 60. Et il y avait une chose qui m'avait vachement touché, c'est quand c'était. En quelque sorte, un peu une réflexion sur la monstruosité, et Inflorenza porte beaucoup de réflexions sur la monstruosité, c'est quand la créature de Frankenstein regarde la vie d'êtres humains, et notamment d'un aveugle à travers un trou dans le mur, en fait. Et il va être amené petit à petit à vivre tout un tas d'émotions contradictoires, quoi. Ne serait-ce parce qu'il s'éveille et s'éveiller... Excusez-moi. S'éveiller, c'est un petit peu comme mourir, quoi. Et donc, il y a tout un tas de réflexions là-dessus. Et nous, on avait voulu reproduire ça, vraiment. On avait voulu reproduire la naissance de cette créature avec tous ces sentiments qui étaient contradictoires. Quelque part, des jeux comme tout le monde est jeune, c'est ce qu'ils font, quoi. Ils prennent un personnage, ils le découpent en sentiments. Et chaque sentiment essaie de s'animer. J'en arrive à une conclusion qui m'a surpris, c'est qu'en fait, tu peux utiliser Inflorenza pour reprendre des gameplays de certains jeux qui, eux, sont conçus uniquement autour de ce gameplay-là. Donc, pour le coup, c'est vrai que tu peux faire un Tout le monde est John avec Inflorenza. La partie duel qu'on a fait, en fait, on reprend la prémisse de Showdown. De Seth Ben Ezra, en fait, le principe de commencer par une impasse mexicaine et de tout jouer en flashback, c'est Showdown, c'est le jeu de rôle Showdown de Seth Ben Ezra. Mais bon, on pourrait faire du Shades à Inflorenza, en fait, c'est-à-dire que tu peux t'amuser à prendre certains jeux dits intenses et à rejouer, en fait, avec Inflorenza, et ça fonctionne pas mal. On pourrait faire, je pense, les petites choses oubliées à Inflorenza aussi. Ça me paraît assez jouable, quoi. D'ailleurs, dans la base, tu cites beaucoup de références de littérature et aussi beaucoup de références de jeux de rôle. Est-ce que c'est parce que Inferenza, quelque part, c'est un peu un patchwork de plein de jeux, ou... C'est presque un méta-jeu, en fait, pour le coup. C'est-à-dire qu'il a c'est une espèce de pâte à modeler, effectivement, pour reproduire le gameplay de pas mal de jeux qui sont au final très différents, quoi. Pour reprendre ce qu'il disait, j'aimerais avoir l'avis des autres là-dessus, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est en fait, quand on a joué Frankenstein, on a joué... Excusez-moi. On a joué Désolé, je fais mon Thomas. Ah ben, je suis content, je me sens tellement moins seul. On va faire un gang. Excusez-moi. Complètement contrôle. Par exemple, on avait joué l'espoir de la créature, on avait joué sa rancœur, on avait joué son avenir. Et quand je parlais du conte tout à l'heure, c'est vraiment la question que je me posais, c'est est-ce que c'est juste moi, en fait? J'ai pas l'impression, mais peut-être. Hein. C'est que souvent, il y a cette idée du conte, mais il y a aussi cette idée de la morale. J'ai l'impression que les parties d'Inflorenza, il y a toujours une espèce de morale ou d'éthique. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Mais je ne sais pas si vous l'avez ressenti sur vos parties. Ouais, moi complètement. Et je pense que c'est dû aussi en partie au système de jeu et le fait qu'un jet de dés peut faire twister un personnage complètement et lui faire échouer ou rejeter un but qui était fort pour lui. Et du coup, je me demande si c'est pas ça qui provoque aussi des choses un peu intenses au niveau de la morale, parce qu'un parangon de vertu peut mourir en essayant de mettre en valeur, de mettre en exergue sa vertu, ou alors sur un jet de souffrance, avec beaucoup de souffrance, partir complètement en sucette du fait de ses blessures et ses phrases le tirer complètement dans une autre direction. Et y a un peu, ouais, moi je retrouve un peu ça, et de fait ça m'a même amené à créer un ou deux théâtres qui sont assez proches du conte, même d'un point de vue esthétique. L'autre truc peut-être qui relève du gameplay émergent en fait, ou on va dire tout simplement du gameplay que j'avais pas prévu, parce que je le répète assez souvent, mais en fait Infinza fait pas du tout ce que j'attendais de lui, hein. C'est que finalement les phrases qu'on écrit c'est très très souvent, en fait l'idée c'est que je voulais qu'on écrive les motivations des personnages comme phrases, mais aussi les ressources, les attaches, tout ça, et en fait on se retrouve très souvent à écrire surtout les motivations, donc quand on a fait deux personnages qui ont uniquement des motivations, forcément ça influe pas mal sur le côté moral effectivement du jeu, quoi. Et je pense que tu écris encore plus de motivation à partir du moment où tu interagis beaucoup en passant par les Grégor, puisque quand ton personnage n'est pas là, c'est finalement sa motivation qui se tend vers les autres, ou ses valeurs qui se tendent vers les autres pour influencer le jet de dés. Donc ouais. À partir de ce moment-là, la souffrance que tu accumules, c'est plutôt une souffrance qui est de l'ordre moral qu'une souffrance qui est de l'ordre physique ou des ressources. Ouais, carrément. Je pense que c'est pas mal sur les personnages. J'aimerais bien qu'on passe au théâtre. Ouais. À moins qu'il y ait vraiment un truc important. Ah si, je note juste vite fait, mais je crois que je sais pas si tu l'avais redit, Félix, mais dans tes exemples de parties, l'on découvre qu'un personnage n'existe pas. Ça relève d'être juste un souvenir ou une élucubration. Je trouvais ça bien fun. Le personnage en question était en fait un missile. J'ai oublié le twist final. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Quand même, quoi. Donc, dans les théâtres, là, je vais donner la parole à Eugénie, si tu veux bien. Parce que tu voulais parler du fait de préparer nous-mêmes des théâtres. Et j'aime bien le « nous », en fait, dans l'idée où, finalement, toi, dans ton approche d'Inforenza, bon, je pense que tu as pas mal joué avec Julien au départ. Mais vraiment, c'était l'idée, si j'ai bien compris, c'est que c'était un travail collectif de créer un théâtre. Je me trompe. Alors non, c'était pas collectif pour le coup. Enfin, c'était chacun son tour. Ouais, c'est ça. En fait, il me semble qu'on a commencé justement avec. Bon, j'en reparlerai peut-être au moment où on parlera du jeu en campagne. Mais on s'était dit qu'on voulait faire le pèlerinage de Compostelle en campagne. Et on a fait la première session avec le théâtre Compostelle. Et pour la deuxième, Epiphanie a proposé une ville en fait qui serait un lieu de croisement, de passage sur le passage du pèlerinage. Ouais, la ville de Glaise, ouais. La ville de Glaise, ouais. C'était une ville troglodyte. Et du coup, moi j'avais fait un théâtre pour l'épreuve suivante en fait, qui s'appelait Zone Cancer, et qui était un genre de Mad Max Millevaux. Voilà, une zone irradiée avec encore du bitume, de la machine, des choses comme ça. Et du coup, il y avait un truc de enfin, à ce moment-là, on se calait vraiment sur vraiment la forme des théâtres que toi tu avais fait, que toi tu proposais dans la base, avec 12 thèmes, 12 explications en face de chaque thème sur ce que ça recouvrait, etc. Un petit texte d'intro et tout. Et puis après, Epiphanie a tout fait péter. À sa face. Non, pas tant que ça, mais on en a fait un quatrième. Le théâtre, c'était la ville de Vrille qui devait se jouer dans la foulée. Ah oui, c'est vrai. Et qui était une ville avec des gratte-ciels effondrés dans lesquels les castes sociales étaient représentées par le niveau dans lequel ils habitaient. Plus ils étaient hauts, plus ils étaient élevés dans la hiérarchie sociale. Mais on n'a pas pu la jouer en campagne, dans la campagne, parce qu'un des joueurs a pas pu continuer avec nous. Et donc on l'avait joué dans un autre cadre. Mais ça me rappelle un petit peu des sagas post-apo comme Jeremiah, où en fait, au fil du temps, les personnages changent complètement de décor, en fait. Et du coup, c'est vrai que comme on a un setting post-apo, ça permet aussi un petit peu toutes les folies en termes de décor et de passer vraiment, de changer d'atmosphère, passer des endroits très low-tech, arriver à des endroits où c'est vraiment de l'ASF. Ou complètement Des oublier la endroits comme technologie. Glaize, un petit peu médiévaux, Vrick, qui est presque du shoot and repeaters mode Total. post-apo. La zone cancer, c'était pareil, quoi. Je veux dire, il y avait des bandes avec des lance-flammes qui dégageaient les routes de bitume, il y avait des casses auto partout, des Ouais, mecs qui c'était les montaient des Total bolides. Max, quoi. Ouais, complet, quoi. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on a commencé à comprendre qu'on pouvait orienter la partie avec le théâtre, en fait. Parce que au moment où on a joué Zone Cancer, on s'est rendu compte qu'on refaisait un peu toujours les mêmes types d'histoires. Enfin, c'était pas les mêmes personnages, etc., mais c'était les mêmes structures. Et du coup, on s'est dit, on va faire vriller pour encourager les relations politiques. Les complots, ces choses-là qui étaient absolument absentes de nos aventures précédentes. Donc encourager moins l'action et plus la rétorsion, l'extorsion, ce genre de choses. Et pour revenir sur la création collective, il y a un truc aussi qui s'est passé au moment de ces théâtres, en tout cas entre Génie et moi, c'est qu'on s'est fait relire nos théâtres avant de les jouer. Et du coup, ça nous permettait aussi de préciser des idées et puis d'influer à deux sur la création en disant, bah tiens, ça serait peut-être bien qu'il y ait une faction comme ça, ou alors là, peut-être que tes descriptifs, tu pourrais les changer, des choses comme ça pour qu'on soit directement à l'aise avec le matériau d'entrée de jeu et qu'on n'ait même pas de temps de prise en main. Ouais, c'est là l'intérêt d'avoir un cadre de jeu transparent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est connu de tout le monde au départ, c'est que du coup, on peut vraiment se permettre d'avoir une écriture à plusieurs mains, quoi, sur le théâtre. Mais pour le coup, Félix, c'est ce que vous faites en mode plus, non? Oui, puisque très tôt, en fait, nous, on s'est mis à écrire directement les théâtres en début de partie, donc tous ensemble en brainstorm. Donc au début, on écrivait des thèmes, 12 ou un petit peu moins, et puis on mettait dans chacun des phrases et des descriptions, quoi. Puis assez vite, on s'est rendu compte qu'après 20 minutes de brainstorm, on savait exactement ce qu'on mettait dans les thèmes. Pas vraiment la peine d'écrire plus, quoi. Donc on s'est limité à chaque fois à une liste de thèmes éventuellement qu'on complétait pendant la partie. Et Ouais, du coup, il y a un côté entre guillemets. C'est vrai que quand Epiphanie et Eugénie préparent des théâtres, il y a une rédaction, quoi. C'est-à-dire que le théâtre est rédigé pour pouvoir être lu à voix haute au début de la partie, tandis que vous, en fait, on est sur une préparation de théâtre qui est entièrement orale, finalement. Et juste le côté écrit, c'est juste d'écrire sur une feuille les 12 thèmes, quoi. C'est ça. On a eu un petit peu de. Enfin, j'ai fait un petit peu d'écriture au début, mais ça a jamais vraiment sorti. Et les habitudes de la table sont très rapidement enracinées là-dedans, au point que j'ai essayé de faire jouer les chemins de Compostelle un jour, et ça a été une de mes moins bonnes parties d'Influenza, en fait, parce que mes joueurs, mes joueuses n'étaient pas forcément hyper partants, ça les inspirait pas plus que ça, on n'avait pas pris le temps d'en discuter, de se demander qu'est-ce que ça nous inspire, qu'est-ce qu'on a envie de jouer là-dessus et tout. Et ça avait donné une partie qui n'a rien à voir avec les chemins de Compostelle, où on était poursuivi par des lézards, la basilique, on a trouvé une basilique qui s'est transformée en crabe géant qui s'est barré dans la mer, enfin, ça ressemblait absolument pas aux chemins de Compostelle, quoi. Mais ça ressemble un peu à la manière dont on a commencé à tortiller la création au début. En fait, après les premières parties, on s'est rendu compte qu'on avait des difficultés à incarner des PNJ un peu substantiels et que les lieux étaient parfois un peu abstraits. Et on jouait juste avec enfin, la grille de base, les 12 thèmes de base proposés dans le livre. Et on a commencé par faire un premier tour, en fait, où chacun décrivait un lieu. Et puis après, finalement, on faisait deux tours où chacun décrivait un lieu et ou un PNJ qui serait potentiellement remobilisable pendant la partie. Mais c'est vrai qu'on n'a pas sauté le pas jusqu'à remplacer tout le théâtre. En général, on choisissait en fonction du nombre de participants. Bêtement, si on est 4, on veut choisir 6 thèmes pour commencer. On va par exemple en tirer deux au hasard sur les tables, puis en choisir un chacun, ou alors en choisir un chacun, puis s'accorder sur deux thèmes de base ensuite à ajouter, quoi. Ce qui était intéressant aussi, c'est que des fois, un thème, tu lui as signé plusieurs numéros parce que tu voulais lui donner de l'importance. Il y a plus de Ça chances de s'est sortir rarement au dé, passé non? comme ça. Oui, il y a eu de temps en temps, il y a eu des thèmes qui étaient dédoublés pour ça. Mais souvent, l'idée, c'était plutôt parmi les 12 thèmes, enfin, ce vers quoi on est arrivé en tout cas à la fin, c'est parmi les 12 thèmes, on en écrit 6 de base qui prennent chacun 2 numéros. et ça nous laisse de la place pour compléter pendant la partie. Donc les endroits où on complète, ça divise par deux la probabilité d'un truc qui existait déjà. Donc on, ouais, c'est-à-dire qu'au début, je sais pas, je n'importe quoi, t'as un thème, c'est numéro 1, numéro 2, ouais. Ça pourrait être folie si tu gardes le thème de départ. Et ouais. Puis à un moment, plus tard, tu veux mettre le thème fleur, et du coup, le thème fleur, ça va être numéro 2. C'est ça, quoi. C'est ça. Mais après, souvent, ce vers quoi ça s'est cristallisé, c'est que le thème qui prenait un des emplacements libres était plutôt un raffinement spécifique du premier. Donc, deux, trois exemples qui viennent d'une partie où on était dans un train. Y avait un thème qui était train, qui recouvrait, je sais pas, 1 et 2, par exemple. Puis, en voyageant dans le train, on s'est rendu compte qu'il y avait des coursives secrètes dans les murs qui étaient super importantes, qui avaient tout un tas de secrets. Et du coup, le thème 1, c'est devenu train, et le deuxième, c'était devenu coursive. Et de même, voilà, c'était souvent... un thème se raffine en un deuxième plus précis. Le thème voyage devenait voyage et terminus, parce que le terminus allait être un truc important, et ainsi de suite. Avec ça, d'un petit peu frustrant que... Pardon ? Ouais. Avec ça, d'un peu frustrant que sur un théâtre de 12 thèmes pour une partie dans 2 heures environ, s'il y a un nouveau thème qui apparaît au bout d'une heure, il y a des chances assez fortes qu'il ne tombe pas. Mais en général, on l'écrit moins pour espérer tomber dessus que pour rendre compte des évolutions dans le monde. En fait, quand on a joué suffisamment pour que le monde autour de nous change, ça fait un joli impact, ça fait un joli symbole de changer le théâtre, changer les mots et le réécrire un petit peu, quoi. Je vais revenir sur des choses un petit peu plus basiques, mais Eugénie évoquait le fait, vous l'avez déjà un peu évoqué, notamment avec Compostelle, le fait de repartir de théâtre du livre de base, mais vous les appropriez. Par exemple, t'avais voulu, Eugénie, faire du capitaine avec le théâtre de Venise, quoi. Ouais, alors finalement, c'était avec Florence en fait. Mais bref, dans le livre de base, il y a des théâtres, notamment Trecita per Morire, où il y a beaucoup de données sur les corax, les orlas, etc. Et ça, on l'avait enlevé en fait du théâtre pour vraiment jouer en peu de fantastique et en KPDP, du panache, etc. Donc on avait, dépouillé le théâtre des trucs que je voulais enlever et j'avais rajouté les trucs qui nous intéressaient pour la partie en fait. Ouais, mais c'est vrai qu'on s'est permis de thème, quoi. Voilà, on s'est permis de bricoler sur le théâtre pour l'adapter à ce que on voulait en faire. Et de même que t'avais reproduit, on avait joué ensemble l'autoroute des larmes. Ouais, et puis on a voulu y rejouer. Et ça, on l'a fait comme Félix, on l'a fait par contre en commun, on était trois. On avait tes notes de base sur l'autoroute des larmes, mais c'était plus des inspirations. Et on a fait comme Félix en fait. Là, on s'est dit, on va dégager 6 thèmes qui paraissent, qui nous intéressent. Et puis, on met 3-4 mots en face pour s'en rappeler pendant la partie. Et on joue comme ça, quoi. Mais le fait de brainstormer effectivement ensemble avant, c'est vachement, c'est super agréable de jouer après en fait. On s'était déjà mis à peu près à l'unisson, on a déjà commencé à brainstormer sur qu'est-ce qu'on veut faire dans cette partie-là et c'est super. Même juste fixer une ambiance sans même forcément changer le théâtre. Là, ce qui était assez rigolo sur ce théâtre de Florence, on a fait 2 ou 3 parties dedans, je crois. Et la première, on s'était dit, on veut vraiment faire du KPDP. Donc, tout ça avait orienté l'action, bien entendu. Et là, encore une fois, c'était une manière de casser un peu la phrase vouloir des personnages en les reliant ne serait-ce que par un thème, quoi. Et la deuxième partie, on s'était barré dans un truc où finalement, on a décalé rapidement ça. Enfin, c'était dû à ce qu'avait amené des personnages au fur et à mesure de la partie, mais on était parti sur une idée beaucoup plus gonzo steampunk avec des ailes volantes, une espèce de clone de Léonard de Vinci camé à la coke et qui faisait des inventions un peu nawak et qui ont donné des tons complètement différents. Et là, entre les deux parties, on n'avait même pas changé le théâtre, quoi. On a juste dit on va se la jouer différemment en adaptant le ton. Et du coup, tout ce qui était noté dans le théâtre, on l'a remobilisé d'une autre manière, quoi. Tac. toi, bah, Arjuna, t'as rédigé aussi un des. Alors, dans le plan, tu as mis rédiger un théâtre. Est-ce que tu voulais parler spécifiquement du fait d'écrire un théâtre ? Non, c'est beaucoup plus confus dans ma tête que ça en avait l'air là, avec cette petite étoile. Bah, ou alors tu peux nous présenter tes théâtres. Hein. Je crois qu'il y a Caligula et puis la Carlingue. La Carlingue et la Malvenue qui est en cours d'écriture. En fait, vous avez déjà dit pas mal de trucs, donc je vais pas répéter. Moi, ma seule différence, c'est que j'ai une pratique de jeu assez particulière en jeu de rôle. C'est-à-dire, je suis un peu le polyamoureux du jeu de rôle, c'est-à-dire je change très souvent de partenaire. J'ai pas vraiment de groupe dédié, enfin c'est assez rare. Donc, tout ce qui peut être habitude de jeu autour d'une table, je connais pas tellement. Du coup, j'essaie souvent de les écrire pour amener un petit peu de moi et donner aux autres l'opportunité d'apporter d'eux. Et j'ai pas vraiment parlé de comment j'ai écrit la Carlingue ou Caligula. Mais je faisais un peu comme disait Eugénie, tu vois, on faisait les 12 thèmes et on racontait plein de petits événements qui pouvaient se produire ou autre. Et moi, ce que je trouvais intéressant, et je me suis aperçu que j'ai fait ça certainement parce que c'est ce que j'aime dans Inferenza, c'était vraiment comme tu le revendiques en fait, c'est des bouts de folklore qui viennent d'un peu partout, quoi. De différentes cultures qui viennent du cinéma, qui viennent de la littérature et tout. Et à chaque fois, c'était comme des bouts de modèles de folklore qui viennent d'un peu partout. Et à chaque fois, c'est des théâtres qui ont bien marché parce qu'en fait, tout le monde a des petits points d'ancrage par rapport à ce folklore, quoi. Il va retrouver des petits bouts de culture à lui. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours bien marché. Mais surtout, ce que je voulais parler, c'est la malvenue, en fait. En fait, Caligula, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre d'Albert Camus que j'adore. Et ce que je voulais faire, c'est je voulais faire une série de théâtre avec que des pièces inspirées d'Albert Camus. Et mon gros problème, en fait, c'est que La Malvenue, c'est une pièce d'Albert Camus. En gros, c'est un peu une histoire à l'auberge rouge, c'est-à-dire les voyageurs arrivent dans une auberge et quand le voyageur est riche, en gros, il le tue, il le détrousse. Et l'histoire de la malvenue, c'est que c'est un jour le fils prodigue qui a quitté l'auberge il y a longtemps qui revient et ils finissent par tuer le jeune homme, par tuer leur propre fils. Il y a toute une dramaturgie autour. Dommage. Voilà. C'est tiré d'un fait divers d'ailleurs de l'époque, ce qui est rigolo. Enfin rigolo, je sais pas. Je suis trop Déguisé au bon, mec. retard, les étapes à ne pas rater sur le parcours. Et en fait, je me suis aperçu qu'en fait, on pouvait. J'ai vu que je crois que c'est Julien qui parlait de l'adaptation des textes littéraires. Ça me permettra peut-être de rebondir. C'est que j'ai souvent voulu adapter du théâtre pour mes théâtres. Et je me suis aperçu que des structures telles que Œdipe, telles que. Merde, je peux pas le nom. Enfin, des structures très classiques de théâtre qui sont très linéaires sont très chiantes à jouer à Inferenza. Alors, ce que j'ai expérimenté récemment et qui marche bien avec la malvenue en tout cas, c'est qu'en guise de thème, on va prendre des actes avec les séries d'événements des actes qu'on va un petit peu romancer, qu'on va un petit peu rédiger, quoi. Et on va jouer ça, j'ai mixé ça avec un handicap qui s'appelle Memento, qui fait qu'on va jouer les scènes dans le désordre. Et en fait, chaque fois qu'on va choisir un thème, on va pas choisir un thème, on va choisir une époque, on va choisir une période avec des événements qui y sont liés. Donc c'est une espèce de mélange pour à la fois jouer dans le désordre et jouer à différents moments de tension de l'histoire. Et c'est quelque chose qui a pas mal marché, qui renouvelle vachement le truc, quoi. C'est-à-dire, au lieu de tirer juste les thèmes ou les idées, il y a à la fois un thème et il y a à la fois une période de temps et une unité géographique. Enfin, qui est Comment tu période joues de les temps. conflits avec cette règle-là? Comment ça, comment je joue les conflits? Ben, mettons, on joue un conflit, ton personnage contre le mien, et puis j'ai 2 dés, j'ai une puissance et une souffrance, et chacune avec un thème différent, comment j'applique? Je raconte deux choses qui sont passées à une époque différente ou Avec deux thèmes différents. C'est-à-dire, je n'ai jamais joué comme ça avec Influenza. Moi, j'ai toujours lancé un dé à part pour le thème, hein, mais. Oui, ok. Ah oui, mais comment mettons que tu as une puissance et une souffrance en même temps. Tu peux avoir du coup une puissance sur un certain thème et une souffrance sur un autre thème, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu lances le dé après, de Oui. toute façon, c'est ce que dit le livre de base, mais le dé du thème après, mais toujours est-il que tes phrases, elles sont inspirées d'un thème, chacune est inspirée d'un thème différent, quoi. Ah oui, bah en l'occurrence, j'ai jamais lancé qu'un dé avec cette méthode. Ouais. Ah, ok, donc Sans si tu as une tête. puissance et une souffrance en même temps, sont toutes les deux du même thème, quoi. Ouais, C'est ça. c'est comme ça que j'avais fonctionné. Après, Ok. c'est à tester, hein. Ça pourrait être intéressant. Non, non, mais c'est une question. Et du coup, je vais quand même poursuivre mon interrogatoire. C'est, mettons, on commence un conflit qui se passe à une époque précise. Alors, je ne sais pas du tout l'histoire de la malvenue, j'ai n'importe quoi. L'enfance du. Comment. L'enfance du fils prodigue. Ouais. Et puis, il y a un conflit du genre. Est-ce que les parents arrivent à l'abandonner dans la forêt pour X raisons? Et du coup, les parents jettent, comment, un des parents jette le dé pour le conflit et il tire, je sais pas, j'ai n'importe quoi, une souffrance. Et la souffrance, le thème de la souffrance donne acte, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 10, le retour du fils prodige. Comment je le joue en fait? Ouais, tu peux répéter ta dernière phrase? Je suis pas sûr d'avoir compris. Si j'ai bien compris, tes thèmes, en fait, c'est les actes de la pièce. C'est Donc, ça. des thèmes, finalement, c'est des moments chronologiques, on est d'accord. C'est ça, c'est tout à fait ça, ouais. Donc, mettons que on est en train de jouer, ça se passe au début, quand, par exemple, les parents abandonnent leur fils, quand il est encore tout jeune. Et du coup, par exemple, le père fait un conflit pour savoir s'il arrive à abandonner le fils. Et il obtient une souffrance. Donc, comme il obtient une souffrance, il tire un thème pour savoir le thème de la souffrance. Et le thème tombe sur, par exemple, acte 10, le retour du fils prodige à l'auberge. Tu fais quoi pour mettre ça en application? Ah ok, perso qu'on s'est pas compris. En fait, les différents thèmes mènent vers différents pans de l'histoire, en fait. Par exemple, on a un conflit dans l'enfance, comme tu dis. Ouais, ok. On va tenter de résoudre le conflit et donc ensuite on va lancer un thème et c'est ça qui va nous mener vers un autre pan de l'histoire. En fait, les thèmes sont plutôt des ponts pour aller d'un endroit de l'histoire à un autre et trouver des Ok, explications. donc ma souffrance, je vais la rédiger, je vais écrire ce qui me passe par la tête sans forcément appliquer un thème. Et puis derrière, par contre, je sais que je vais faire tirer un thème qui va me faire déplacer dans la chronologie, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ah ok, ça roule. Et du coup, quand tu fais ça, tu préviens les joueurs de la trame de la pièce. Enfin, tu la leur résumes ou ils la connaissent déjà? Je la leur résume, mais c'est vraiment un théâtre très court, quoi. Il y a juste quelques séries d'événements. On joue plutôt sur l'ironie dramatique, en fait, parce que tous les personnages savent à peu près ce qui va se passer, quoi. D'accord. Oui, Là. c'était ça. C'était pour savoir à quel point on sait et à quel point c'est de la découverte. Ouais. Le truc, c'est que par exemple, ils prévoient pas les conflits, donc on sait pas ce qui va se passer entre les scènes et comment on va arriver d'une scène à l'autre. Mais du coup, D'accord. oui, on connaît toute l'histoire à l'avance, quoi. Ah, c'est intéressant, oui. Oui, Ce qui pense pas mal à ce qu'on. c'est le cassage de la linéarité par les tirages qui fait que ça donne de la tension, quoi. En fait, ils choisissent pas ce qui se passe. Ouais, Euh, puis ils il y a, dans choisissent. ton théâtre, même si c'est une histoire qui est racontée, il y a quand même plein de creux, en fait. Il y a plein En de choses qui fait, sont non dites, quoi. voilà, ils choisissent comment ça se passe, quoi. Et limite, c'est un peu le rêve de beaucoup de rôlistes. Par exemple, dans La Malvenue, il y a plein de trucs avec des super twists. Mais des fois, tu te demandes vraiment comment ils sont arrivés de tel point à tel point, quoi, parce que c'est bourré d'ellipses. Et ouais, sûrement, c'est une manière de jeu qui permet de raconter les ellipses, quoi. Après, je ne sais pas si ça peut marcher aussi bien dans un Oedipe roi, qui est encore plus cadré, quoi. Alors, pour info, j'ai fait. Vous pouvez trouver si vous téléchargez mes niveaux mantra. J'ai fait du coup un scénario où c'est Eddie Pro version 1000 vaux. Du coup, je pense qu'il est très facilement récupérable comme théâtre pour Influenza. Donc, je vous invite à jeter un œil, hein, du coup, si vous vous intéressez à Eddie Pro. Avec les bascules d'univers qui sont exactement les changements de théâtre que comme ouais, la partie magnifique que vous avez faite. C'est ta règle pour faire des bascules d'univers. Et du coup, j'ai fait un compte rendu qui sortira quand il sortira, parce que j'en ai plein en retard. Et la partie de Deep Rock qu'on a fait, c'était juste de ouf, quoi. Très cool. Alors, attends, je vérifie qu'on n'oublie rien d'important. Je vais en profiter pour rebondir sur les adaptations de textes littéraires, du coup. Super. Alors, c'est quelque chose dont on avait discuté avec Thomas il y a quelques temps quand il était venu les premières fois qu'on s'était croisé à Paris. Il m'avait parlé d'un poème de Césaire qu'il avait mis en théâtre. Sur le net. Et on avait parlé du bouquin de Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur, qui est en fait un bouquin qui est basé sur le principe d'une histoire se commence, elle dure en gros 10 pages, et puis quelqu'un va se mettre à raconter une histoire, et on va plonger dans l'histoire, etc., etc. Et c'est une imbrication d'histoires les unes dans les autres, qui se finissent jamais vraiment, qui laissent plein de choses en suspens, et qui se poursuivent comme ça jusqu'à la fin du livre. Et en fait, cette discussion avec Thomas, moi, elle m'a bien débloqué un certain nombre de choses, parce que ça faisait un moment, je suis un gros, gros lecteur, et bon, après, une partie de mon boulot et de mes loisirs, c'est de parler des livres que j'ai lus, et je me disais, merde, comment je fais ça en jeu de rôle sans ressasser Le Seigneur des Anneaux 15 000 fois ou un mauvais roman de fantasy, quoi, parce que bon, ça va bien 5 minutes, mais il y a d'autres textes assez formidables, et du coup, Influenza, ça a été vraiment la réponse à cette question. C'est, gars, tu trouves 12 thèmes, et puis tu séquences ça, tu séquences ta lecture en 12 thèmes, et puis tu lances et tu vois ce que ça donne. Et du coup, ça a donné là, cet été, je me suis remis dans Hérodote, donc, et je me suis dit, les guerres médiques, c'est quand même vachement cool. On parlait d'actes moraux tout à l'heure, il y a des parangons qui sont à pratiquement toutes les pages, et puis des gens comme Crésus qui trahissent et qui se rangent auprès des Perses pour sauver son empire, donc pour des raisons assez bonnes, mais qui passent pour un salaud auprès des Grecs. Je me suis dit que c'était un peu taillé pour Milvaux, et du coup, j'ai mis ça en théâtre, et on a fait deux parties sur les guerres médiques, et deux parties avec des teintes très très différentes. La première avec Influenza, sans MJ, et qui avait donné une sorte d'intrigue militaire qui se passait plutôt sur les champs de bataille, et une autre avec Influenza Minima. Et donc cette fois-ci, en fait, j'avais réduit le théâtre à juste un descriptif des enjeux et des personnages qui étaient là, et puis une liste de thèmes, mais très abstraite, de manière à ce qu'on puisse piocher dedans éventuellement si jamais on avait des problèmes. Et là, on est rentré dans une histoire beaucoup plus intimiste de vindicte entre les différents chefs de guerre et tout ce qui s'est passé à l'intérieur du camp. Et c'était assez fabuleux à jouer. L'une comme l'autre ont été deux excellentes parties. Mais du coup, je voulais juste souligner que c'était très très facile de prendre une inspiration littéraire et puis d'en faire quelque chose avec Influenza. Et ce que tu as dit, Arjuna, moi, ça me donne bien envie. Du coup, je vais aller voir tes théâtres. Ils sont disponibles sur le net. Alors là, j'en ai deux qui sont disponibles. Et Caligula, il va sortir, il est relu et tout. Et l'autre, je peux t'envoyer le brouillon si tu veux. Avec plaisir, ouais. Ouais, je suis très, très intéressé. Par contre, je voulais te poser une question avant que je perde, parce que j'ai l'esprit d'escalier. Oui, est-ce que tu as l'impression, enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue quand tu racontes ça, mais que justement, Influenza a permis de raconter ce qui n'était pas raconté à la base dans l'œuvre, ou pas forcément spécifiquement, en fait. On a raconté quelque chose de très différent qui ressemblait à l'œuvre. Après, mon théâtre des guerres médiques, je l'ai fait à la manière d'Influenza, et je me suis dit, plutôt que de me limiter aux personnages qui existent dans les guerres médiques ou des choses comme ça, j'ai pris tout un tas de personnages assez symptomatiques des histoires de la Grèce. Donc, par exemple, coexistaient au même moment Périclès, une Pythie bien particulière, un chef de guerre de Thèbes, et puis le roi Léonidas qui a vécu 150 ans avant les autres, des choses comme ça. Donc repartir sur des personnages assez caricaturaux, mais après, comme c'est une œuvre fleuve, je sais pas si on a pu faire vivre des choses qui n'étaient pas déjà dans les guerres médiques, mais en tout cas on en reprenait la teinte. Mais ce qu'on a fait, c'était Ouais, surtout sur la partie de minima, c'était un peu le comment j'allais dire le drama qu'il n'y a pas dans les guerres médiques, des choses beaucoup plus serrées aux personnages et sur des événements beaucoup plus restreints, alors que Hérodote te raconte la vie d'un roi en 15 pages. Là, on était vraiment plus sur un épisode particulier. Mais c'était intéressant parce que ça permettait vraiment de retrouver ce truc du moment déterminant que Hérodote va balancer en deux phrases et de prendre ces deux phrases et de les étendre sur 3 heures de jeu et de voir un peu tout ce qui jouait déjà avec la conscience de tout ce qui se passait autour dans une étendue de temps très très restreinte. Ouais, si tu me permets, en plus, je pense que Inforinza, puis Inforinza Minima plus encore, permet de faire un peu ce qu'on fait, par exemple, les tragédiens français, Corneille, Racine, tout ça, qui reprenaient des anecdotes, des mythologies chrétiennes, et qui faisaient du coup une tragédie avec, quoi. Ben, c'est en fait c'est exactement ça le truc. Alors après, bon, on va pas mettre nos théâtres Inflorenza au Il niveau de faut en Racine et de regarder, Corneille, on en a vu. mais en fait c'est ça, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire quand tu lis Andromaque ou Phèdre, c'est finalement, je vais dire une horreur, mais c'est un mélo de 2 heures qui se passe dans un contexte mythologique. Et en fait c'était la même chose, quoi. C'était la réduction des guerres médiques à un mélo de 2 heures avec des personnages assez exacerbés dans leur valeur. En fait, on a joué la en gros, on a joué quelques jours, une poignée de jours seulement, avant l'assaut des Perses et le moment où les Grecs se disent tous ensemble, enfin les différentes villes grecques ont envoyé des émissaires et doivent soit entrer en guerre, soit se ranger aux côtés des Perses, et s'ils entrent en guerre, décider qui sera le chef. Et c'était juste ça, quoi. C'était tu as besoin de moi, mais en fait tu me diras jamais que tu as besoin de moi, mais dans ce cas-là, ben moi je vais y aller tout seul, mais dans ce cas-là, vous allez tous mourir, mais dans ce enfin, voilà, c'était ce genre de truc. Ok, j'aurais une question, moi, du coup, un peu à tout le monde, pour le coup, c'est que quand on parle d'adaptation littéraire, on parle d'œuvres, enfin vraiment d'œuvres classiques au sens où on l'entend de manière générale, et de choses enfin proches de la tragédie, quoi, ou en tout cas du drama, enfin, parce que c'est un peu dans la proposition de base d'Inforenza, hein, héros, salaud, martyr. Est-ce que c'est vraiment cantonné, selon vous, à ce genre littéraire ou à d'autres Est-ce que Bah moi j'ai fait du Mad Max alors bon je sais pas est-ce que trop vous pensez, par exemple, voilà, je j'ai pars un super peu film aussi en je pars un peu en provoque, mais est-ce que vous pensez qu'on peut faire du journal de Bridget Jones avec Inflorenza? Enfin, jusqu'où ça peut aller, cette là il faut tester, je garantis histoire-là? Eh mais ça moi je crois que j'ai envie de faire ça Ah ouais, moi aussi, quoi. Ok. Non, je pense qu'on peut partir dans plein de genres différents. Bon, bah déjà toute la littérature absurde, je pense qu'on peut l'adapter assez facilement. Et puis après, d'autres choses, ouais, en fonction du tableau des thèmes et des directions que tu donnes en départ ou enfin, soit en consensus, soit en orientant un peu ça par des questions que tu mets sur le théâtre. Ouais, je pense. Je pense que tu auras un fond drama, mais après le drama, ça peut avoir plein de teintes. Effectivement, c'est par des teintes quasiment comiques dans Bridget Jones, tout comme des trucs complètement tragiques, voire carrément grand-guignolesques. Mais bon, Bridget Jones, ouais, il fallait y penser quand même. Juste, je veux dire un truc sur Tu commences toutes l'adaptation. tes instances, pardon. On va pas manger un pot de glace, c'est ça? Non, mais tu sais, par dire le nombre de calories, le nombre de clopes, il y a ça au début de chaque chapitre. Attends, tu sais que c'est une super idée, ça. Mais oui! Quand je t'ai dit que j'ai envie de le jouer! On va prendre rendez-vous. Hein. La petite chose sur laquelle je voulais revenir sur l'adaptation littéraire, en fait, du coup, il y a deux façons de faire. Soit, en fait, tu dépiautes ton œuvre littéraire en thème, quoi. Soit, en fait, par exemple, quand on a fait Si par une nuit d'hiver à un voyageur, Félix avait joué avec nous. En fait, on a gardé les thèmes de base de Inflorenza, mais c'est un procédé narratif, une contrainte qu'on avait reprise, qui était l'idée que les personnages étaient en même temps que personnages d'une aventure, ils étaient aussi le narrateur d'une aventure inférieure qu'on racontait après, quoi. Et en ce qu'on s'était dit et qu'on a réussi à mettre en œuvre, c'est qu'on pouvait, en fait, chaque aventure, les aventures gigognes, entre guillemets, pouvaient, en fait, on pouvait communiquer, on pouvait faire des conflits d'une aventure vers l'autre. C'est-à-dire qu'un personnage qui était dans l'aventure N pouvait faire un conflit avec un personnage qui était dans l'aventure N-1. Et il y a même un moment, en fait, il y a un personnage narrateur qui se penche, en fait, pour regarder une aventure qu'il a racontée, quoi. Et qui tombe, en fait, qui tombe dans l'aventure. C'était visuellement, moi, j'aurais bien vu un truc genre comme dans les bandes dessinées de Fred, où ouais, effectivement, à regarder l'histoire, en fait, il tombe dedans, quoi. Il n'y avait pas un jeu de rôle où on faisait ça justement, tu sais, tu passais de fiction en fiction. Bah, Explonarateur, hein. Ouais, si, Explonarateur. Bon, je pense à autre chose, mais. Ouais. Excuse-moi, Julien. Là. Parce que je remarque dans à peu près tout ce que vous dites sur les adaptations littéraires, et en particulier sur les choses comme Si par une nuit d'été un voyageur, c'est que j'ai l'impression que c'est utiliser une œuvre de référence, c'est quelque chose qui aide beaucoup à sortir de ces structures narratives habituelles. Quand on commence une Florenza, on a un réflexe naturel qui est de faire des aventures à peu près chronologiques avec un début, une fin et des péripéties entre les deux. Mais finalement, si on s'est mis d'accord sur une histoire de référence et qu'on n'a plus à se poser la question d'où est-ce qu'on va, je pense qu'on a beaucoup plus de facilité à casser la chronologie et à faire un petit peu plus de tambouille assez facilement, quoi. Bah, ce que tu disais, Arjuna Khan, c'était on prend certaines audaces narratives, quoi. Ouais, bah, ce que tu disais, Arjuna Khan, c'était tu prenais cette pièce de théâtre dont tu expliquais grossièrement les principaux moments de l'histoire et puis tu partais tout de suite à, enfin, tu jouais des morceaux complètement déchronologiques par-ci par-là parce qu'on avait ces points de référence pour Si par une nuit d'été un voyageur, on se préoccupait pas d'où allait l'histoire, on savait comment elle y allait, on savait qu'on allait chercher des moyens finalement dans nos instances de raconter une autre histoire à l'intérieur, qui soit vaguement liée, qui ait une symbolique en rapport et tout, mais on se posait plus la question de raconter une histoire en soi, quoi. Bah c'est vrai que l'enjeu à l'intérieur de l'histoire change, puisque finalement tu joues pas pour voir ce qui va arriver, mais pour savoir comment ça va se passer, quoi. Un voyageur, il y a presque en fait la création d'un nouveau jeu finalement à partir de Inforenza où on a rajouté un certain nombre de contraintes qui fait qu'on joue à un jeu différent. Et je crois que notamment il y avait la contrainte, on s'était un peu donné de faire un petit peu comme dans Shades où en fait on nommait pas les personnages de façon à ce que un personnage qui pouvait de l'aventure N pouvait ressembler au personnage de l'aventure N-1, sauf que c'était pas forcément les mêmes, c'était pas sûr, quoi. L'ambiguïté venait aussi du fait que les personnages se partageaient les traits. On avait une seule feuille de personnage qui continuait, mais qui correspondait à plein d'entités, plein de choses différentes. Et on ne savait pas quelles histoires étaient vraies, quelles histoires étaient fictives aussi. Il y avait une notion que finalement, il y avait peut-être toute une partie de l'aventure qui était complètement inventée, quoi. Mais tous ces vertiges un peu bizarroïdes que tu aimes beaucoup, Thomas, c'est des choses que j'aime bien amener dans mes parties, mais que qui m'ont pas mal fait peur, quoi. Ça a pris un certain temps à commencer à jouer là-dedans. Et je pense qu'avoir ces références littéraires, ou en tout cas ces idées de structure sur lesquelles on se met d'accord, quoi, pendant le brainstorm, ça aide beaucoup à se dire voilà dans quel cadre je vais jouer. L'œuvre littéraire te donne les règles du jeu. C'est ça. Oui, complètement. Oui. T'as dit, bah voilà, c'est les règles du jeu. Après, juste, tu rajoutes la mécanique de conflit et d'écriture de phrases. Tu la plaques sur les règles du jeu qui sont en fait l'œuvre littéraire, quoi. Au final, les feuilles de personnages d'Inflorenza, si on tord le jeu suffisamment loin, elles n'ont pas du tout de raison de représenter des personnages plus que ce que disait Arjuna tout au début, des descriptions, des ceci et des cela. Ça peut être des choses beaucoup plus générales que des feuilles de personnages. Justement, là, tu tombes à pile poil sur ce que je voulais rebondir. Je sais pas, c'est peut-être une question de merde, mais c'est juste ce qui vient comme ça, quoi. Est-ce que il y a des incarnations qu'on pourrait pas faire à Inflorenza? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas jouer? Est-ce qu'il y a des concepts qu'on ne pourrait pas faire? Alors, j'ai un moment où j'ai un ami très enthousiaste qui m'avait dit ah, c'est génial, Inflorenza, on peut absolument tout faire. Et je lui avais répondu oui, quand même. Tu sais, si un jour j'arrivais et je jouais Pikachu dans une de tes parties, ça te ferait grincer des dents. Je déteste Pokémon. Et il y a quelques mois de ça, j'ai des amis qui ont joué une partie inspirée de Pokémon dans l'univers d'Inferenza. Donc je pense que la réponse à cette question, c'est non. Ce n'est pas possible. Quand tu lis compte rendu de partie et que tu sais pas en fait que c'est inspiré de Pikachu, tu peux lire le truc comme un truc vachement sérieux en fait. Parce que moi, je me souviens d'une partie où... Ça s'appelle Ombre et Lumière, il y a le compte rendu sur le net. Ouais. Faudrait que je regarde, ouais, j'ai dû passer au travers. Je me souviens d'une partie où, par exemple, c'est à l'époque où je m'amusais à faire n'importe quoi, où je jouais une chandelle qui était en train de fondre, où je jouais un lopin de terre. Et Ah oui, ça, et quand ça, et ça marche très bien. On a fait une intrigue à la Zola un peu. Mais au bout d'un moment, j'ai fait tellement de parties, j'avais plus le temps de faire de CR. je pense que tu pourrais, ça se trouve, tu pourrais faire une chose comme la nouvelle La Rue, qui est une nouvelle de Lovecraft, hein, qui raconte l'histoire d'une rue, en fait, qui est au début très flamboyante, avec des belles maisons victoriennes, et qui finit par se dégrader au fur et à mesure de l'histoire, à se faire corrompre. Mais ça, c'est un truc. Moi, ça me permet de rebondir sur un truc dont je voulais parler et que j'ai pas précisé au préalable, ou peut-être dans un endroit où je n'ai pas que j'ai pas vu sur le plan. Mais c'est sur le fait de jouer le décor finalement. Moi, c'est ce que j'aime bien à Influenza. Alors, Julien en avait déjà parlé de manière beaucoup plus radicale, mais moi, ça rejoint un peu ma pratique de ce que je veux faire et de ce qu'on a essayé de faire en campagne. Mais c'est de voir comment un décor peut évoluer ou peut avoir une conscience propre et finalement ce qu'il importe. Et dans la création de théâtre, c'est ça qui est assez chouette aussi. Là, on a parlé beau. Là, ces dernières minutes, on a parlé pas mal de structures narratives centrées autour du calque avec une œuvre littéraire. Mais il y a aussi le fait d'avoir un environnement ultra inspirant dans lequel on aimerait bien voir ce que ça va passer. Et je voulais encore rebondir sur un truc qu'avait dit Arjuna, c'est sur le fait de comment rédiger un théâtre, c'est aussi donner quelque chose de soi pour voir ce que les autres vont en faire. Alors ça rejoint le challenge, mais je trouve ça assez jubilatoire de dire bah voilà, moi j'ai une imagination qui déborde là-dessus. C'est des choses sur lesquelles il y a des passerelles qui sont dans la Ouais, tu culture livres commune. tes images mentales, quoi. Tu vois C'est ce qu'ils vont faire, quoi. ça. Et puis le truc de Milvaux, c'est que c'est vraiment basé sur des images qui sont dans l'inconscient collectif, que ce soit la forêt, ça peut être très bien la forêt des contes, ça peut être la forêt très tolkienne, les Orlas, ça peut se rapprocher de Lovecraft, ça peut se rapprocher d'histoires de fantômes victoriennes, pourquoi pas. Et finalement, avec des choses clés comme ça, quand tu arrives à préciser quelque chose que tu as à l'intérieur de toi, de manière dans un cadre comme ça qui peut être facilement exploité, c'est assez génial de voir ce que les autres vont en faire et de comment le truc t'échappe alors totalement et finalement prend une vie propre, quoi. Je pense que c'est nécessaire de rendre hommage peut-être aux deux théâtres d'Orlov, là, Isola di Suspiro, qui se Ouais, passe encore. C'est du moins 40 qui se j'allais en passe parler. en Finlande. Moi, je sais que moins 40, c'est ça qui m'a permis d'écrire des théâtres. J'ai lu son théâtre et j'ai dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Bah, surtout parce qu'il y avait, je trouve, une innovation, sa façon de rédiger un théâtre, hein, mais que j'ai retrouvé un peu dans les théâtres d'Épi aussi, et puis effectivement de toi, Fabrice, c'est que donc il rédigeait le thème, et en dessous du thème, il y avait une série d'images mentales, quoi. C'était pas des phrases complètes, c'était une série d'images mentales, le givre qui fait éclater la terre, comment un esquimau qui pêche, enfin bon, c'était une série d'images mentales toutes plus dingues les unes que les autres. Et du coup, quand tu tires ton thème, tu te retrouves avec une espèce de shoot de sensation, et puis tu vas voir ce que tu vas récupérer dedans. L'originalité quand j'ai fait le truc inspiré de la malvenue dont je vous parlais, c'est que j'ai réutilisé le concept mais appliqué au théâtre. Il y a un terme, s'il y a des théâtreux, ils sauront me dire, c'est au début d'une pièce de théâtre, vous avez ça dans Antigone, vous avez une espèce de scène figée où vous avez tous les personnages, ils sont mis en place, enfin ils sont à un certain lieu au niveau de la scène, ils sont à un certain lieu de la scène. Et on va décrire où on est chaque personnage par rapport à l'autre, en fait. Et je sais plus, c'est un nom ça dans le théâtre, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est ce que j'ai utilisé, mais en repompant le truc d'Orlov. C'est-à-dire au lieu d'avoir des images mentales, c'est une scénographie qui est en place. C'est une série de scénographies, de différentes scénographies. Et, Un temps suspendu, c'est-à-dire quoi ouais, c'est ça. C'est ça, par exemple, bon, on va imaginer. Il y a la vieille mère usée qui jadis était belle et qui a toujours la même boucle d'oreille depuis 25 ans. Il y a le fils qu'elle ne reconnaît pas et qu'elle considère comme un étranger. Voilà, comme tu dis, c'est une espèce de temps figé, quoi. Et on attend que la lumière s'allume et que le truc démarre. Bah, surtout qu'avec l'égrégore, en fait, si tu veux, les personnages, ils peuvent communiquer même si le temps est figé. Donc tu peux mêler en fait un temps suspendu et un dialogue, et voire même tu pourrais, même si j'ai encore pas expérimenté. Donc dans Duel, justement, on a expérimenté un temps suspendu, on joue à l'intérieur d'un tableau. En fait, enfin, c'est juste le temps d'une scène, mais on le fait quoi. Ouais. On pourrait envisager carrément de jouer des conflits à l'intérieur d'un temps suspendu. Et là, c'est un projet que j'ai. Hein. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on peut toujours se caler. Pour ceux que ça intéresse, on peut toujours se caler une date. Hein. Mais c'est de faire la jetée. C'est un film de Chris Marker. Ah oui. La jetée, en fait, avec Lorenza. Donc, j'explique vite fait, hein, c'est quoi la jetée. Donc, un film de Chris Marker. On va dire post-apocalyptique, poétique, pour faire simple, c'est un film qui a inspiré L'Armée des Douze Singes. Et en fait, le film, c'est juste une succession de photos, c'est un peu comme une séance de diapo, quoi. Donc, des magnifiques photos en noir et blanc, avec, je crois qu'il y a un ou des narrateurs, je crois qu'il y a une seule voix off. Oui, c'est le personnage principal. Une voix off qui est le personnage principal, qui commente en fait chaque photo, quoi. Et en fait, l'idée de... Si jouer la jetée en fait sur Inforenza, ce serait, je pense, à la fois reprendre sans doute un petit peu l'ambiance, mais moi je sais qu'à Carrick, il y a la jetée en roman photo, et puis aussi surtout de poser comme challenge, jouer uniquement une succession de temps suspendu, et le challenge par-dessus le challenge, ce serait de réussir à jouer carrément des conflits avec ça. Ça se trouve, c'est absolument injouable, hein, j'en sais rien, c'est vraiment une frontière que j'aimerais beaucoup tester, quoi. Ouais, bah, quelque part, la jetée de Chris Marker, c'est un recours particulier de l'ellipse, donc ça me semble pas faisable. Ouais, tout à fait. Ouais. Faut essayer, quoi. Ça, c'est vraiment mon fantasme du moment, quoi. Alors que moi, c'est Bridget Jones, chacun son truc. on pourrait très bien mixer les deux, je pense. La jetée, quoi. Écoute, par respect à la fois pour Bridget et pour la jetée, je pense qu'il vaut mieux... pas forcément... Le démon, tu ne devrais jamais. Est-ce que vous êtes d'accord pour enchaîner sur... Ouais. Juste une petite question à Félix, mais à moins que tu préfères éviter d'en parler. Mm-hmm. Je crois que toi, tu as une écriture de théâtre en cours depuis un an, c'est ça? Oui, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est un théâtre que j'ai commencé à écrire au tout début, juste après avoir fait ma première partie, qui n'a jamais vraiment terminé. Qui avait la particularité de forcer les personnages à être complètement immobiles. On jouait une communauté d'ermites à qui on fournit tout ce dont ils ont besoin pour vivre et qui n'ont rien d'autre à faire que regarder des étoiles et y lire des histoires qui se passent autre part. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le jouer, quoi. Il y avait déjà tout ça. C'est funky. J'avais envie d'avoir la contrainte de jouer des personnages qui ne vivent aucune aventure mais qui se contentent de voir ce qui se passe autre part et sans s'en retrouver influencés, quoi. Je vous propose d'enchaîner avec le jeu en campagne. Eugénie, j'avais noté que tu voulais parler du fait d'orienter le jeu en campagne en adaptant les cadres. En fait, je l'ai déjà évoqué sur les théâtres, donc du coup, je vais peut-être laisser la parole à d'autres. C'était sur le pèlerinage, en fait, c'était sur le fait de créer un théâtre à chaque nouvelle session pour parler de, enfin voilà, pour changer de décor, pour apporter d'autres choses. À rigueur, je vais quand même te poser une question. C'est donc, comme tu as joué en campagne, est-ce que ça t'est arrivé, parce que je sais que c'est assez particulier, est-ce que ça t'est arrivé de jouer le même personnage en fait de plusieurs séances d'affilée, quoi? Ouais, alors du coup, ça a été particulier pour cette campagne-là, parce qu'on a fait, si je me souviens bien, tu me détrompes, Épi, si je me trompe, on a fait deux sessions avec les mêmes personnages, donc le pèlerinage. Après, il y a un joueur qui était plus là. Du coup, on a repris la même ville de Glaise, mais vue par des gens qui étaient déjà là-dedans. Il est arrivé les pèlerinages. Et puis ensuite, on a pris Zone Cancer, donc l'étape suivante, mais du point de vue des brigands qui allaient rançonner les pèlerins. Ouais, en fait, c'était une manière d'avancer sur la route, mais pas avec les personnages. Donc en fait, on a fait deux sessions avec le pèlerinage, les mêmes personnages. Mmh. Parce que ce qui est particulier, en fait, c'est que dans le cadre d'une séance, ton personnage, il évolue quand même déjà vachement, quoi. Et donc, un personnage qui fait plusieurs séances d'affilée, il doit être vachement tordu par rapport au personnage de départ, quoi. Comment tu joues, justement, cette évolution, Après, ça a été, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de twists sur ces parties-là. Si je me souviens bien, le personnage d'Epi, il est mort très très vite, genre à la, au deuxième tour de la première séance. Donc il déjà, a même il a même pas passé le premier tour. C'était la troisième instance du premier tour et il est mort, il est mort sur un conflit. Et puis, moi, le mien, il était pas... En fait, le truc, c'est qu'à Influenza, pour moi, c'est des silhouettes. Donc, c'était juste une femme avec un bébé dans les bras et on savait pas trop qui elle était, ce qu'elle faisait là et tout. Ça, on l'a découvert sur la première session. Et sur la deuxième, on a découvert qui elle allait devenir, en fait, comment elle allait changer une fois qu'elle avait découvert qui elle était, quoi. Mais par contre, mon deuxième perso a beaucoup changé, lui, puisque au début, c'était une espèce de type assez répugnant qui bavait tout le temps et qui faisait le pèlerinage pour lever une malédiction qu'on lui avait jetée et dans la, qui faisait qu'il avait toujours faim et qu'il voulait manger des choses improbables. Genre un bébé, par exemple, magie de la première phrase avec vouloir, et relié à un autre personnage. Et il s'est transformé en une espèce de personnage vertueux, finalement. Enfin, lui, il est passé totalement de salaud dégueulasse À héros. Ouais, à héros, quoi, carrément. Quoi. À leader, ouais. Et ça, ça aurait été très difficile de le suivre sur une troisième partie, je pense aussi. Parce que ça l'aurait fait twister encore une autre fois et je crois que j'aurais commencé à ne plus croire au personnage. C'est marrant, moi quand je mange des bébés, ça finit assez mal en général. Et il a pas pu le manger. C'est presque un regret de game design de ma part, en fait. C'est quand j'ai écrit le jeu, je voulais quand même qu'on puisse faire des campagnes... Un peu charnu, entre guillemets charnu, mais qu'on puisse au moins jouer entre 6 à 10 séances avec le même perso, quoi. Et en fait, le jeu est fait que l'arc narratif du personnage évolue tellement vite que c'est très improbable d'y arriver, quoi. Ouais, ça explose en vol, ouais. Et moi, j'ai passé 3 séances d'affilée avec le même perso, quoi. Et si c'est pas le personnage qui explose en vol, c'est le décor. Enfin, je sais pas vous, mais nous, on a pété les décors à chaque fois, quoi. Ouais, nous, au bout de 3 séances de campagne, c'était la régénération de Milvo ou sa destruction pure. Ah ouais, vous étiez carrément sur l'ensemble de Milvo. Non, nous, on cassait localement, quoi. On changeait de place. C'est ça, c'est frappe chirurgical. Et du coup, j'ignore quels seraient les aménagements ou en tout cas les accords entre joueuses qui seraient à faire pour faire une campagne qui se rapproche plus d'une campagne tradie où on a quand même une évolution des personnages, tu vois, qui ont du vécu et avec une évolution un petit peu plus lente et les enjeux qui montent pas non plus à trop trop vite, quoi. Je pense qu'il y a deux choses qu'on peut faire. La première, c'est se fixer à l'avance le fait que quand on fera des évolutions en jeu, elles seront pas, elles twisteront pas totalement le personnage, sauf de manière ponctuelle. Et puis l'autre chose, je pense qu'entre chaque session, il faut revoir les phrases des persos de manière drastique, de manière à recaler un certain nombre de choses et rendre le personnage parfois un peu patchwork de la fin de partie à une forme d'homogénéité dans laquelle on veut le lancer au moins pour une heure et demie, même si ça tortillera à la fin de la session. Ça fait partie des règles de base, ça. Ouais. Mais même carrément complètement changer les phrases, quoi. Je pense que si t'as 6 phrases à la fin, tu les reformules même pas, tu les changes en fonction de la manière dans laquelle tu veux que ton personnage parte sur la session suivante, quoi. Quitte à le... Je pense qu'il doit y avoir une sorte d'accord de se dire bon, on fait pas monter les enjeux trop vite, quoi. Ouais. On prend son temps. Une spécificité d'Influenza tel qu'il est, c'est que justement les personnages sont assez vite terminés ou en tout cas arrivent à la fin d'un arc narratif très très rapidement, quoi. Et ce qui doit faire le lien entre deux séances de campagne et Influenza, c'est pas les personnages comme on tradit, on va dire, mais c'est faut trouver un autre fil rouge, en fait. Si vraiment on veut utiliser les personnages, on est obligé de leur donner une nature quasi divine, leur permettre de revenir 15 fois après la mort, des choses comme ça, parce que t'avais une notion de cycle du divin, quoi. Ouais, complètement, ouais. Campagne. Je trouve qu'il y a beaucoup d'autres fils rouges que les personnages qui marchent pour campagner. Après, je sais pas si ça durerait très longtemps. J'ai pas fait des campagnes si longues que ça. Mais typiquement, un lieu dans lequel on revient encore et toujours parce qu'il s'y passe des choses. Des familles aussi. On peut s'imaginer des familles. Ouais, c'est ça. Ouais, avec des thèmes associés éventuellement. La famille de la chair, la famille de la folie, j'en sais rien. Mais Et même au-delà de ça, nous, ce qu'on avait décidé, on s'était rendu compte qu'en fait, l'aspect fantastique de Milvaux faisait que ça déclenchait encore plus vite le feu d'artifice. Et du coup, on s'était posé comme contrainte pendant certaines parties. En gros, on donnait un niveau d'égrégore auquel se restreindre éventuellement, et voir pour faire des parties avec un peu moins de fantastique, un peu moins de hors-là, un peu moins d'égrégore, ou d'expression de l'égrégore. Et du coup, ça permettait quand même des choses beaucoup plus homogènes. Quoi. C'est ce que j'ai fait dans ma campagne en table ouverte, les chemins de Compostelle, où pour le coup, bon, j'ai joué en carte blanche, donc c'était plus facile entre guillemets à tenir la bride, quoi. Mais où je me suis donné pour contrainte de jouer vraiment low-fan, quoi, low-fan et low-tech, et du coup, ça donne une ambiance complètement différente, en fait. Mais après, je suis d'accord avec Félix que pour le coup, c'est ce qui était apparu sur notre petite continuité sur Compostelle. Comme on n'a pas pu finir avec les mêmes personnages, finalement, on a continué le voyage au moins encore pendant deux ou trois sessions suivantes, en reprenant des lieux et en utilisant en fait la thématique du pèlerinage comme quelque chose de central, mais avec des personnages qui étaient en marge de ça et qui illustraient la manière dont les habitants naturels d'un lieu allaient accueillir les pèlerins et comment ça bouleversait un peu leur quotidien de voir des gens passer en permanence. Tu te servais des personnages en fait pour changer la focale. Ouais. On garde le lieu, on garde les thématiques, et même sur certains, on faisait sauter des personnages de l'un à l'autre. Pas beaucoup, mais des PNJ aussi qui étaient récurrents, qui revenaient. Et puis on jouait les conséquences aussi. Bah, par exemple sur Glaise, la deuxième partie sans les pèlerins, donc on a joué les conséquences de la merde qu'ils avaient foutue en passant, quoi. Donc eux étaient partis, mais ce qui s'était déclenché derrière, bah ça reste dans le lieu, et puis enfin, voilà, les habitants, eux, ils vont nulle part, quoi. J'ai une question d'ailleurs, c'est comment vous faites pour jouer des PNJ consistants ? Je sais que j'ai parfois échoué justement à avoir des PNJ consistants, et souvent c'était quand même vraiment des ombres, des espèces de MacGuffin qui étaient manipulés par les personnages. Alors ma réponse est hyper simple, c'est pas du tout, zéro, je n'y arrive absolument pas. Je me suis rendu compte très vite que... il y en a, mais ils sont très peu importants. Je me suis rendu compte que quand un... Chez moi en tout cas, quand un personnage n'est pas joué directement par un joueur, ou en tout cas une faction n'est pas incarnée par un joueur, elle est complètement absente. Début de ma campagne, ça avait été une ville dans laquelle les enfants disparaissent mystérieusement et on ne sait pas pourquoi. Et en brainstorm, on s'était assez mis d'accord sur le fait qu'il y avait une faction de protecteurs qui essayait de comprendre ce qui se passait, de le retrouver et ainsi de suite, quoi. Et pendant la partie, personne n'a joué de personnage qui venait de cette faction. On a tous joué des gens un petit peu autour, quoi. Et le résultat, c'est que cette faction n'a jamais existé, jamais rien fait. Au point que, on l'a retrouvé dans les parties plus suivantes, elle a été connue comme une espèce d'ordre de chevalier qui a pour tragédie de ne jamais réussir les choses les plus importantes. Du coup, en quelque sorte, le jeu est tellement centré sur les personnages qu'il échoue à incarner autre chose que les personnages, si ou en tout cas des factions, des troisièmes forces, des choses comme ça. Ouais, si on en veut, il faut vraiment. Je trouve qu'il faut vraiment ramer dans la semoule, quoi. Faut l'amener avec soi, l'enchaîner à sa main et tirer la faction, tirer le PNJ, le forcer à faire des trucs dans l'histoire. Faut prendre sur soi, je trouve, pour faire intervenir d'autres choses que les personnages. Alors moi, je suis pas forcément d'accord. On va faire une battle. Je ne suis pas d'accord. Si, à la fin, je suis d'accord. Round 1. Après j'ai plus de Black Books contre Agathe. Après, il est titan. Non, mais en fait, c'est, je dis ça, mais en fait, en même temps, je suis d'accord et je suis pas d'accord. En fait, ça marche pas quand tu considères tes personnages secondaires comme des personnages. Parce que vu que c'est character centers, on va pas s'interroger à des personnages qui sont derrière les personnages principaux. Mais si je prends l'exemple de mon théâtre Caligula. En gros, c'est Caligula revient extrêmement cynique, et il a un pouvoir immense et les personnages qu'on incarne vont les arrêter. C'est un décor qu'un personnage, en fait, Caligula. Dans La Malvenue, par exemple, c'est la mère et la fille qui tuent les gens dans l'auberge. Et comme dit Thomas, oui, effectivement, c'est plus un élément du décor. En fait, les personnages, on arrive à avoir des personnages consistants quand c'est... À une forme, on va souvent jouer en réaction à une situation forte. Quand c'est les personnages qui sont la situation, Bah là, ça marche. Après, effectivement, si tu veux rajouter de la faction, si tu veux une faction qui marche, je pense, il faut que, par exemple, d'entrée de jeu, elle agresse les personnages et qui doivent s'opposer à elle, qui doivent se positionner, des trucs comme Ouais, ça. ou alors peut-être une autre solution, ça peut être que la faction, ce soit un thème, quoi. Bon, Je oui, sais pas. sûrement. C'est comme ça que je fonctionne, ouais. Un truc qui marchait bien, c'était dans notre principe, justement sur la campagne. On n'était que trois joueurs en plus, donc du coup, on avait besoin quand même de participer aux instances des autres, etc. Et le premier tour à blanc où on décrit chacun un PNJ, c'était un peu sous-entendu que bah ça va être à toi de l'incarner dans les instances des autres quand il va arriver, quoi. Et du Ouais, coup, ça ça donne corps, permettait quoi. de voilà d'étoffer le truc de base, quoi. Ouais, t'as presque finalement, t'as ton personnage à jouer plus un PNJ dont t'as la charge, quoi. Ouais, c'était ça. Et finalement, ce qui s'est passé dans les parties suivantes, et notamment dans les deux parties qu'on a fait à Florence, on avait quand même un cadre politique qui était important pour l'intrigue. Et finalement, à chaque fois qu'un PNJ rentrait en jeu, c'était bah, qui le prend et qui le fait agir ce tour-ci. Et puis, même si c'est mon instance, charge à toi de me faire dérailler mon truc et de le jouer à fond, quoi. Et ça avait donné des personnages qui avaient pas mal d'épaisseur quand même. Et sur, je crois que c'était sur Glaise où on s'est retrouvés trois. En fait, sur celle-là, on était quatre. Il y avait donc un joueur qui faisait son instance et les trois autres, on a incarné l'inquisiteur en fait. Et c'était assez sympa ce moment-là où on était trois à gérer un seul PNJ parce que sur le coup, on n'avait pas bien compris qui était en train de dire quoi. Et finalement, ça marchait très bien. Sur le jeu en campagne, tac. Toi, t'as une campagne en préparation, Julien? Oui, alors en fait, j'ai un petit challenge à la con que je me suis fixé depuis quelques années maintenant. À moitié par compulsion et à moitié par plaisir inavouable, j'adore lire les numéros de Casus Belli. Et je me suis dit, Casus Belli ne reflète absolument plus ma manière de Trois jouer. secrets. Voilà, c'est ça. Bonjour, je suis Julien et je suis lecteur de Casus Belli depuis 20 ans et je n'arrive pas à m'arrêter. Bonjour, je Bienvenue, joue. Julien. Ne juge pas. Et en fait, il y a 1 an et demi, je me suis dit, mais merde, t'aimes bien lire ce magazine malgré tout, mais t'en retires rien en jeu. Donc le challenge, ça va être de trouver un truc à adapter à un de tes jeux pour le faire jouer immédiatement après chaque numéro. Donc la plupart du temps, ça reste à l'état de notes, mais depuis une dizaine de numéros, j'arrive à m'y tenir. Et le théâtre de Glaise, ça vient d'une inspi-lieu de Casus Belli, par exemple. Et là, dans le dernier numéro, est paru, il y a une rubrique en fait qui me donne plein de trucs pour avancer. C'est la rubrique Bâtisse et Artifice. Et j'avais fait notamment un truc. Ils avaient fait un gros numéro sur les tranchées. Je vais couper mon micro parce que. Je vais te laisser finir, puis Félix, si tu peux enchaîner sur le cycle du divin, et si vous ne me voyez pas revenir, je vous laisse dérouler le plan. Ça marche. T'inquiète, on s'autogère. Ouais, Non, non. c'est Ouais, donc l'idée c'était de prendre un truc que j'ai bien aimé lire mais que je ne jouerai jamais et puis d'en faire du matériel, d'en tirer une situation, un truc jouable comme ça. Donc lors d'un des précédents numéros de Bâtisse Artifice, ils avaient décrit toute une tranchée de 1914. Ça m'avait servi de base pour faire une double partie de Innommable avec Cthulhu dans les tranchées. Et puis bah là, dans le dernier numéro, il y a un Bâtisse Artifice qui est paru sur un monastère pseudo-mongol. Indien bouddhiste, le monastère d'Abazu, et je me suis dit bah c'était bien sympathique, alors quoi en faire? Et puis bah comme je disais tout à l'heure, moi, Influenza c'est aussi un moyen de faire vivre un lieu, et je me suis dit bah tant qu'à faire, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une sorte de campagne bâtie sur ce lieu avec une série de 5-6 théâtres qui reprendraient les étapes clés de la vie du monastère sur 150 ans, depuis la légende fondatrice jusqu'à la destruction du monastère. Et donc là je suis en train de bosser dessus, j'en ai déjà fait deux pour l'instant qui sont prêts. Alors comme il n'y a pas de quoi faire 12 thèmes, je suis parti en Anno Influenza avec 6 thèmes seulement, et avec l'idée de voir comment ce lieu va évoluer, et en faisant une continuité avec un certain nombre de personnages non joueurs et de thématiques qui vont évoluer progressivement avec le temps. Donc là, il y a 6 étapes prévues. La première, c'est la légende fondatrice. Ensuite, la fondation du monastère, le moment de gloire du monastère, le déclin, la destruction. Et puis, le dernier truc, ce sont des archéologues qui vont découvrir les ruines quelques siècles plus tard. Voilà. Et c'est vrai que c'est un outil super facile à gérer pour créer ce genre de choses au débotté à partir d'une inspiration quelconque. Alors, on parlait de sources littéraires. Bon, ça peut aussi être un article Casus Belli. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est juste des thèmes dans tes théâtres ou tu as aussi des instructions de jeu particulières pour non, faire en fait, cette campagne? J'ai deux choses. Mes théâtres, je les fais toujours en deux parties. La première, c'est les thèmes. Donc là, par exemple, il y a désert, village, ruine, religion, démons et affrontements. Donc on reste sur des choses très classiques. Une petite légende donnée en 10 lignes sur comment les personnages arrivent. Et je propose... Là, en l'occurrence, je propose 3 personnages qui sont presque pré-tirés, mais qui sont très juste esquissés, quoi, pour que les joueurs puissent se les approprier, et une série de questions. Donc là, c'est la rencontre de 3 frères qui vont lutter contre un démon, et donc pour orienter le jeu, les questions c'est comment les 3 frères se rencontrent-ils, comment les habitants du pays perdu les accueillent-ils, comment les démons tenaient le pays sous leur emprise, à quoi ressemblait le grand démon qu'ils ont combattu, comment ils le défirent et qu'advient-il d'eux après. Donc on n'est même pas obligé de suivre ça d'ailleurs, mais au moins ça donne un tuteur pour pouvoir avancer dans le jeu. Ça donne des lignes directrices, quoi, grosso modo. Après, à voir comment chacun s'en empare. Et Félix, tu l'as fait aussi ça? Le fait de. Il me semble que tu disais que tu avais fait le fait de. Le fait de faire jouer un lieu plusieurs fois, je reprends. Ça a eu lieu dans les deux campagnes que j'ai faites. La première fois accidentellement, la deuxième fois intentionnellement. La première s'est passée dans une ville où la première séance, il se passait des trucs terribles, quoi. La population part en exode. On fait une deuxième partie où on joue la population qui, après son exode, s'installe à un nouvel endroit. Et une révélation qui est tombée au premier tour, c'était que ce nouvel endroit, c'était l'ancienne ville, comme si le peuple était condamné à revenir au même endroit sans s'en rendre compte. Et à partir de là, on s'est dit que le fil rouge de notre campagne allait être ce lieu qui a beaucoup évolué. Au bout d'un moment, la ville n'était plus du tout visible. Il restait plus qu'une tour scellée avec un dieu enfermé dedans. Et puis ça a encore évolué, encore et encore et encore. On a effectivement vu ça, ce lieu sur lequel on revenait encore, quoi. Et le deuxième cas, c'était encore plus simple. C'était pour une campagne en convention, 7 parties sur 2 jours où les joueurs tournaient. On s'était dit, on va prendre un truc qui parle à tout le monde, on avait décidé de jouer à Rome. Donc on avait mis Rome quelque part en plein milieu de la forêt, qui sans cesse était détruite, incendiée par un empereur fou, détruite par une révolte populaire, quoi que ce soit. Et puis à chaque fois, on jouait la reconstruction de Rome, des nouvelles mœurs, des nouvelles embrouilles, et la redestruction encore et encore. Du coup, ça connecte directement à ce que je voulais dire sur les cycles. Alors même en one shot, je sais pas dans vos parties, mais je vois très très souvent des parties qui s'organisent en cycle, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment dans l'histoire, on se rend compte que tout ça a eu lieu peut-être des dizaines ou des centaines de fois, qu'on est en train de recréer les conditions pour que ça ait lieu à nouveau. Parfois, c'est une histoire où simplement, après la mort du vilain, quelques années plus tard, arrive un nouveau personnage qui a les mêmes traits, et puis un nouveau héros qui s'oppose à lui, ainsi de suite. Parfois, c'est le héros qui, tuant le vilain, vieillit, se corrompt et devient lui-même le méchant, jusqu'à ce qu'un autre jeune héros vienne le remplacer, et ainsi de suite. Oui. Non, vas-y, je t'en prie. Et ce que j'avais remarqué avec les campagnes, c'est que bon, déjà, ça permet d'aller aussi loin qu'on veut dans cette histoire de cycle, mais aussi de le casser, en fait, de le jouer, de l'user jusqu'à la corde et de voir le point de rupture, d'aller chercher le moment où tout va exploser et on va s'arrêter. Rome, dans notre 7e et dernière partie, avait été complètement, totalement et définitivement détruite. Ça avait été la fin de l'humanité parce que les deux étaient liés pour une raison ou une autre. Et pareil, notre ville, à la fin, avait été le siège de la bataille ultime, et les campagnes, c'était vraiment l'occasion de sortir de ces cycles, quoi. Et de réutiliser des personnages divins qui se sont créés au fur et à mesure de l'histoire. C'est-à-dire que quand on est en campagne, on a la possibilité, quand on veut, d'après les règles, de rejouer des personnages qui sont déjà morts ou ce genre de choses. Et pour donner du corps, pour utiliser des personnages forts, on a envie souvent de rejouer ça. C'est-à-dire, ah, le héros populaire qui a fait tel et tel truc, je vais le rejouer, je vais être à nouveau lui. Et ça, ça amène à avoir des figures qui traversent les âges, qui sont naturellement mythiques et qui aident à rejouer les cycles ou les transpercer au contraire. Ouais, ça c'est vachement bien, mais j'ai l'impression que tu joues beaucoup comme ça là, de tous les exemples que tu nous as donné, ce côté très mythique finalement de tes parties de Indie Influenza, quoi. C'est con que tout le monde oublie tout au bout de 3 ans, quoi. Mais justement, on ne sait pas si c'est 3 ans ou 300 ans. Ouais. Finalement, ça fait plus beaucoup de différence là. Bah, c'est vrai que la fluctuation du temps, c'est un truc qui est quand même assez cool comme mécanique de jeu, quoi, entre les personnages qui se réinventent totalement et ceux qui recommencent toujours la même chose. Et c'est un truc que je me demandais aussi par rapport au jeu en campagne, si finalement faire des parties qui racontent des moments très écartés dans le temps avec des personnages qui sont les mêmes mais qui sont pas les mêmes, ça pourrait pas être rigolo de faire un peu une campagne aux dépens de personnages qui se rendent pas compte que ce sont eux qui font les actions consécutives et qui sont confrontés à leurs propres aux conséquences de leurs propres actions quelque temps plus tard, quoi. Ah, pas mal. Sur le passage du temps, il y avait justement sur les théâtres d'Orlov, je sais pas si vous l'aviez joué moins 40, moi j'avais écouté les parties qu'avait fait jouer Thomas, et il y avait le fait de entre chaque instance, il devait s'être passé au moins une saison, enfin, où on devait changer de saison. Et du coup, ça permettait une espèce de faire une espèce de grande fresque comme ça, où les saisons passaient à une vitesse qui n'avait pas de sens. Et ça rendait vachement bien, quoi. Mais du coup, peut-être que le problème du jeu en campagne à Influenza, c'est que tu peux faire tenir l'équivalent d'une campagne non délayée sur une session, quoi. Parce que quand tu parles de la cyclicité, Félix, moi, ça me fait penser à notre Influenza Mindfuck, où des gens se poursuivaient de théâtre en théâtre pendant un temps totalement indéterminé, mais où finalement, on avait l'impression qu'il s'était passé presque 50 ans entre le point de départ et le premier théâtre et le dernier théâtre. Et comme tout était mélangé, finalement, le cassage de la linéarité faisait que on avait une espèce d'impression d'ampleur comme ça qu'on n'aurait pas retrouvé dans une partie classique, mais qui là faisait l'impression à la fin, on sentait que les personnages étaient dans une grande fatigue de toujours poursuivre les mêmes buts, quoi. Comme si les cycles étaient tellement clairs que tu pouvais raconter l'histoire complète en prenant des petits morceaux qui venaient de cycles différents. C'est exactement ça. Et du coup, on collait les morceaux en kaléidoscope et on arrivait à avoir des motifs qui revenaient tout le temps, des trucs comme ça, alors qu'on n'était plus dans le même théâtre. Et le théâtre changeait de façon frénétique, quoi. Bah, c'est vrai qu'on avait prévu plusieurs fois dans une instance. On avait prévu au départ de changer de théâtre à chaque instance, et je me suis retrouvé à lancer la partie et à utiliser 3 théâtres dans ma première instance. Et ça a un peu donné le ton du truc. Et c'est vrai qu'on commençait une fuite à Venise, et puis finalement on fuyait Rift, et puis on arrivait dans le Grand Nord, et la scène se poursuivait sans encombre avec des personnages qui avaient légèrement changé, et notamment tout ça autour de la poursuite d'un symbiote, en fait, qu'on se passait les uns les autres, et on commençait l'instance sans trop savoir qui avait le symbiote à ce moment-là, comment ça se passait, mais finalement tout roulait, quoi. En fait, ça rappelle, sachant que le personnage de Thomas vieillissait et le mien rajeunissait en fonction des théâtres. Donc il y avait vraiment c'était des vies complètes, en fait. On a joué 3 vies complètes en 2 heures, quoi. Ça rappelle pas mal Claude Atlas. Ouais. Mais j'y pensais tout à l'heure quand tu parlais de structure et Claude Atlas, je me disais c'est-à-dire que ça pourrait... différentes époques, différents lieux, différents personnages, mais au final, il y a des enjeux qui sont cousins et qui se répondent. Sauf que Claude Atlas, il y a une vraie structure. Enfin, tu vois le truc qui se construit et qui se déconstruit. Ouais. Enfin, qui va dans un sens et puis qui revient dans l'autre, alors que là c'était vraiment le bordel. Alors moins dans le film où tout est plus éparpillé. Ah d'accord, pardon. Le film, tu sautes vraiment d'une époque à une autre de manière beaucoup plus frénétique que dans le livre où c'est une structure en pyramide inversée. D'accord. Ouais, moi c'est plus le film que j'ai vu et c'est vrai qu'il me semblait pas forcément si structuré que ça, même s'il y a des choses qui se dessinent clairement, quoi, mais. J'ai pas vu le film, pardon. Non, je te confirme, le livre a une structure narrative qui est très très claire, puisqu'on commence à une histoire et on descend jusqu'à une autre, et on a une histoire qui se termine, et après on remonte les marches jusqu'à la première histoire, et tout se termine globalement dans l'ordre dans lequel ça a commencé, quoi. Alors que le film est effectivement beaucoup plus foutraque dans sa construction, et moi j'ai préféré le film pour ça, quoi. justement le passage d'un univers à l'autre avec des thématiques proches et une histoire qui avance quand même. Ouais, c'est des coupures de rythme, quoi. C'est le génie de Memento. D'ailleurs, le film, c'est une histoire sans intérêt, mais elle est coupée de telle manière que. Oui, c'est ça. C'est la forme qui donne. Qui donne l'intérêt. Et ben mine de rien, je trouve que sur les Inflorenza les plus récents qu'on ait fait, c'était les contraintes de forme qui donnaient de l'intérêt aux histoires qu'on avait déjà, qu'on connaissait déjà toujours un peu par cœur, quoi. Le duel où on se dit on commence par un Mexican standoff et on va faire que des flashbacks mais pas dans l'ordre pour comprendre qu'est-ce qui nous a mené à cet instant-là. Et au milieu des flashbacks, tout d'un coup, on a un moment en temps suspendu où on est dans le tableau de Goya. C'est quoi ? C'est 13 de Mayo ? Ouais. Et hop, l'histoire reprend son cours après, à un autre moment de la vie des personnages. Du coup, en l'absence de Thomas, on peut peut-être passer à Contrainte et Liberté, puisqu'on a un peu entamé le truc. Ouais, j'y étais passé dans ma tête. Dans ma tête, j'y étais, là, Contrainte et Liberté. Ouais, ça nous fait une bonne transition. On a parlé de ça depuis le début, en fait. Se rajouter des contraintes, faire des façons particulières de jouer, c'était le leitmotiv de tout le podcast jusqu'à maintenant. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que ça. Enfin, j'ai pas non plus joué à des tonnes de jeux, mais Inflorenza, c'est un des rares jeux où je me sens vraiment autorisée à le faire. Rajouter des contraintes ou proposer des trucs par-dessus le jeu, en fait, à vraiment m'approprier le truc. Je sais pas si ça vous fait cet effet-là à vous, ou si vous avez plus l'habitude de mettre les mains dans le cambouis. Ouais, non, complètement. Je trouve simplement que ça donne. On a l'impression que ça va marcher, quoi. Une fois qu'on est un peu familiarisé avec Inflorenza, le système va naturellement amener beaucoup de choses, il va se passer plein de trucs et. On a l'impression qu'à peu près n'importe quelle contrainte qu'on a permettrait de faire une partie au moins correcte et éventuellement très intéressante, quoi. Ouais, parce que moi, dans le temps, les mains dans le cambouis, j'ai essayé, je me suis retrouvé avec de l'escou partout, avec ça va où mais, alors qu'il y a une Florenza, tout finit par s'emboîter, quoi. C'est un Playmobil, quoi. Si telle pièce rentre pas comme ça, elle rentre autrement. Ouais. J'ai énormément de parties Inflorenza, je pense que vous partagez ce sentiment où on part complètement sans trop savoir où, à décrire des trucs, des sensations, des scènes un peu dans tous les sens, et où vers la fin, tout fait sens d'un coup, quoi. Tout s'emboîte, ça se passait avant, ça se passait après, ça c'était la motivation de tel et tel événement, ça c'était la cicatrice de cette ancienne chose du passé, quoi. Il y a une façon assez forte, avec chacun son cerveau, chacun sa capacité à écrire des phrases, on finit par... écrire des choses qui sont remarquablement cohérentes, quoi. Ouais, y a vraiment ça. Bon, du coup, je m'improvise maître de cérémonie, hein, mais Félix, tu parlais de ne pas enfreindre les systèmes d'instance. Je vois même plan sous les yeux. en fait, ça, c'est juste entre le jeu tel qu'il est rédigé et puis les nombreux contre-rendus que j'entends sur Internet, je constate que beaucoup de gens prennent le... Enfin, que le système d'instance, donc chacun parle à son tour pour raconter ce qui se passe, est fait pour donner un premier cadre, et puis ensuite on évolue, quoi. On se donne plus de liberté, on introduit un peu quand on veut son personnage. Tout. Et c'est que ça, c'est quelque chose que c'est une liberté que j'ai jamais prise, quasiment. On est toujours resté chez nous à chacun raconte son instance dans son coin. Les autres n'interviennent pas tant qu'ils ne sont pas amenés. Et du coup, ça fait façon de jouer qui me semble être un peu différente des autres, quoi. Oui, mais vous jouez à combien, par curiosité? Rarement plus de 4 d'un coup. Ouais, moi je suis un malade, j'ai fait des parties de convention à beaucoup de joueurs et avec les instances. C'est... Non, mais tu te retrouves, tu dis, allez, 5 joueurs max, parce que tu veux prendre pas mal de joueurs, quoi. Et tu te retrouves à 7 personnes et tu sais pas forcément dire non. Alors effectivement, les parties à 5 ou plus, moi j'ai toujours cette sensation que à tel moment de l'histoire, j'ai grave envie de faire un truc, là il faut absolument que, et le temps que ça passe à moi, non, l'histoire a fini. Puis moi je le joue en mode carte blanche et avec Inflorenza, c'est avec du conflit de masse, ça peut assez bien passer. Mais c'est très exténuant, quoi, parce que c'est... De toute façon, la narration est divisée par le nombre de personnes qui parlent, donc c'est pas de secret, quoi. Et du coup, sur un truc comme ça, Félix, vous faites pas genre j'incruste une mini instance entre deux des vôtres, et puis juste pour placer mon truc, et puis après je reprendrai ma vraie instance Non, y a souvent des libertés qui sont prises vers la fin de la partie, quand on a des épilogues à raconter ou quand on est. Ok, il y a la fin là pour raconter ce qui s'est passé il y a 150 ans, c'est à toi de le faire, donc vas-y, prends ton instance maintenant. Mais non, en général, on reste très, très fixement là-dessus. D'accord. Il y a quand même deux choses avec le système d'instance. Dans Duel, dont on a déjà abondamment parlé, finalement, on avait parlé de mettre en place des instances tacites, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de fin d'instance, Il n'y avait on pas laisse, d'instance il du n'y avait pas, il n'y coup. avait pas d'instance, on se partage la parole de manière assez équitable et on essaie de tourner chacun. Mais finalement, un truc qui avait émergé aussi, que Thomas avait remarqué en jouant avec le groupe régulier avec lequel on jouait à Influenza il y a un an et quelques, c'est que finalement, les instances, ça permet aussi d'exprimer la subjectivité des personnages, et du coup, le système de changer comme ça, on pouvait avoir deux instances qui suivaient et qui racontaient le même événement avec un point de vue totalement différent, quoi. Et du coup, se servir de ça pour montrer vraiment en quoi le personnage va tordre une réalité, mais qui est jamais exprimée en jeu finalement, puisqu'elle passe juste par les points de vue des différents personnages. Et ça, je trouvais que c'était une contrainte assez cool finalement de servir de l'instance comme ça pour me donner un moment de subjectivité. Ça rappelle beaucoup Shades ce que tu dis là, le côté je te raconte la même chose mais différemment, on se met pas d'accord, puis voilà deux points de vue, faites votre tambouille, quoi. Nous, en fait, c'est arrivé de fait parce que on était dans une structure où on avait un joueur qui notamment, généralement, c'est moi qui commençais la partie, et le deuxième joueur se mettait en opposition directe avec moi. Et parfois, ça tirait dans un sens qui était tellement contraire à ce que j'avais envisagé, vu, prévu, que j'avais pas spécialement, au début, je lui concédais un peu le dernier mot sur la réalité de ce qui se passait. Et puis, au final, je me suis dit, oh merde, pourquoi? Et finalement à partir à dire non mais il raconte de la merde, il s'est pas du tout passé ça, c'est bien comme moi j'avais dit, et chacun reste dans sa vision subjective des choses jusqu'à la fin de la partie avec les autres joueurs pour constater qu'en fait si ça se trouve c'est une troisième voix qui a été jouée, enfin, la réalité c'est une troisième chose qui n'a pas été exprimée quoi. Juste un micro truc sur les instances. Quelque part, quand même, le changement impressionnant qu'on avait réussi à faire, c'est dans la partie duel où on s'était quand même fixé l'idée de jouer sans instance. C'était la première fois la première et unique fois que je le faisais en cartouche, quoi. Et je trouvais que ça avait plutôt bien fonctionné. Mais ça marche que si t'as des, je pense, si tout le monde est bien fair play, puisque notamment, comme il n'y avait pas d'instance, en fait, n'importe qui pouvait se rajouter une phrase quand il le sentait, juste parce qu'il pensait que le personnage avait évolué, donc hop, il lui rajoutait une phrase. C'est peut-être quand tu as assimilé le jeu instinctivement, tu n'es plus obligé de suivre la règle à la lettre, quoi. C'est comme, je sais pas, la métaphore est peut-être pourrie, mais c'est comme un mécanicien qui va plus suivre le manuel à la lettre, quoi, parce qu'il sait instinctivement ce qu'il a à faire et comment. Ouais, et puis sur Duel, il y avait aussi le fait qu'on se connaisse bien. On n'était que trois, on se connaissait bien, donc on savait aussi à peu près quand on pouvait s'incruster, quand il valait mieux s'effacer, etc. Et Ouais, du tout à coup, fait. le passage de parole était beaucoup plus fluide. Quand vous aviez, par exemple, au hasard, une joueuse sur le carreau, vous étiez deux à venir me récupérer, plutôt que de continuer à jouer sans faire gaffe que moi, ça fait 4 tours que j'ai pas fait d'instance, quoi. Ouais, notamment le fait de. Il n'y avait pas d'instance, mais il y avait quand même, si tu veux, un moment où une scène s'arrêtait et il y avait une joueuse ou un joueur qui prenait la scène suivante et qui campait le décor, quoi. La situation de départ, et donc ça, c'était cette responsabilité-là, on avait essayé de la faire tourner de façon complètement tacite, hein, c'est-à-dire que dans cette partie-là, je crois qu'il y avait eu absolument aucun méta-jeu, notamment de se mettre d'accord sur qui est-ce qui commence la scène, je crois pas, hein, ça s'est fait assez organiquement. Un tout peu, mais très peu. Peut-être ouais, un petit peu, quoi, mais c'était pas Dragonfall Motel non plus, mais effectivement, c'était assez peu, quoi. Mais ça, par exemple, cette technique-là, ou le fait qu'on ait fait des parties sans cohérence, notamment dans le trithéâtre, il y a un moment qu'on s'est bien libéré quand on a dit, de toute façon, on s'en fout de la cohérence, de la causalité. C'est des choses qui sont importées de Dragonfly Motel, en fait. Ouais, alors avec cette limite quand même qu'on a laissé un joueur sur le carreau lors de cette partie. Ça, ouais, ça, il faut quand même le souligner. Du coup, c'est vrai que empiler les contraintes les unes sur les autres, quand tu as une personne à la table, déjà, du coup, qui avait beaucoup moins d'expérience d'Inforenza que nous, parce qu'il avait juste joué une fois à l'Inforenza minima. Et puis, qui était en plus fatigué, tout ça, effectivement, ouais, c'est vrai qu'il y a un moment, on l'a laissé sur le carreau. C'est quand même la petite amertume qui reste de cette partie-là. Et c'est la leçon à en retenir, c'est que, bah ouais, si tu veux empiler les contraintes les unes sur les autres, il y a un moment, il faut être sûr que s'il y a une grosse différence, entre guillemets, d'expérience sur le jeu entre joueuses, ça va se sentir. Et fixe, quand on a joué ici par une nuit d'hiver, un voyageur. Donc il y avait toi, moi et puis Orloff, bon je me permets de le citer, on avait quand même une solide expérience du jeu. Et le quatrième joueur, il avait fait qu'une seule partie d'Inforenza auparavant. Et c'est sûr qu'il était du coup un peu à la peine, quoi. Ouais. Parce qu'on est arrivé avec comme une grosse, grosse contrainte narrative. Et lui, il fallait qu'il réassimile le jeu de base plus toute la contrainte derrière, quoi. Alors, on peut piocher dans juste la suite du plan, d'ailleurs, et enchaîner sur les techniques de confident, puisque tu as été obligé à ce moment-là de trouver un moyen d'insérer ce joueur, et notamment de prendre les rênes de MJ, alors qu'a priori, on était plutôt en carte rouge, et ouais, de cadrer les scènes en plus, quoi. Ouais, ouais. On a beaucoup parlé de contraintes et de liberté au sens s'ajouter des choses et des façons de jouer plus bizarres et plus particulières, mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres techniques qui vont dans l'autre sens, quoi, qui servent à rendre le jeu plus accessible et plus ouvert. Tu penses à quoi ? Bah, exactement ce que je viens de dire, en fait. Ok, En initiation, je fais souvent la même chose. Ouais. Oui, il y avait aussi, pour le coup... Arjuna, toi tu parlais de choses qui sont un peu de l'ordre du contrat social, notamment le jeu intime pour joueuses qui se connaissent, hein. Et le jeu schizophrène, insécure. Je suis assez curieux de voir de quoi tu voulais parler. Alors c'est des trucs en vrac, donc je vais les lister, ça prend pas forcément beaucoup de temps, voilà, parce que l'énumération c'est impressionnant. Alors j'ai déjà dans le jeu... Ah, les bébés. Le podcast bébé, quoi. Non, mais on est en train de lancer une mode, hein, maintenant. Voilà, les radio-rôlistes, ils seront obligés d'avoir des bébés, sinon ça ne marche pas. Ah, bah, c'est clair, de toute façon, ou alors des chatons, mais il faut qu'ils fassent quelque chose, quoi. Voilà. Sur le partage d'autorité, il y a déjà le jeu qui est tel que c'est écrit, tu sais, ou en mode carte blanche et carte rouge, on nous incite à prendre des options de l'un de l'autre en fonction des besoins. Et tant qu'à parler d'accessibilité, parce que le reste c'est pas tellement ça, mais c'est quand j'en ai mis, excusez-moi, quand faut qu'on arrête de se reproduire ensemble. Non, c'est bon, ça va aller. Je vais me calmer là. Alors, je tiens à préciser que ces bébés ne sont pas de Fabrice et Bouffant. Je ne suis pas reproduit avec Fabrice. Oui, on voit que ça fait le même âge, de toute façon. C'est tout simplement personnaliser le partage d'autorité. Bon, c'est un truc classique qu'on peut voir dans plein de jeux, mais moi, c'est ce que je fais de plus en plus à mes tables. Surtout en conv, ou pire, des fois, je fais des animations en association, et les gens sont un peu dans leurs habitudes. Et il y a des gens qui vont se sentir de dire, on va leur dire, tu peux raconter telle réussite ou raconter tel élément. Et d'autres qui ne seront pas à l'aise. Et ce que je fais de plus en plus, c'est je m'en compte de ce qu'aime le joueur et je lui donne un partage d'autorité complètement personnalisé. Ouais. Idem sur le contrôle. On a perdu Eugénie. C'est bon, moi je connecte à des parties d'Inforenza où on a mangé des bébés du début. C'est tellement bizarre. Mais en fait, vous pouvez le dire, je n'ai pas que vous êtes dans la même pièce depuis le début. Ouais, en fait, on est en train de les préparer là. On les fait bouillir. Et donc, ouais, je voulais juste dire que. Je voulais juste dire que ça ne servait à rien de se faire chier à savoir quel partage d'autorité adopter, mais qu'on pouvait faire avec un peu de maîtrise. En fait, tu veux pas dormir, c'est ça. Il est 23h en plus, c'est intolérable son rêve. Bon. Voilà, je crois que je vais vous laisser carrément dérouler la fin du plan vite fait. Dites les trucs qui vous paraissaient plus importants. Et moi, je vais couper le micro parce que sinon, ça va être atroce. Donc, je vais vous laisser, je vous laisse vous driver pour la fin. Ok. Okay. Bon, moi, je vais juste terminer ce que j'ai à dire et après. Oh, comment ça va? C'est le podcast du chaos. Alors, le jeu intime pour joueuses qui se connaissent, c'était une volonté pour moi de faire du sexe au cours de mes parties de jeu de rôle, enfin de narrer des scènes de sexe. Et attends, est-ce que je vais arriver à le calmer ou pas? Donc on a commencé à faire ça pendant quelques temps. C'était amusant. Et c'est une contrainte que j'ai utilisée à Influenza qui est assez intéressante et qui, je trouve, est assez appropriée au jeu. C'est de se poser comme contrainte au début d'un théâtre de raconter des scènes de sexe sans parler jamais de sexe, sans parler d'intime, sans parler de rapprochement corporel, en fait. Et quand je racontais le théâtre où je jouais un Low Panther, c'est un petit peu ça. Par exemple, dans Emile Zola, il y a parfois un certain... Oh, putain, est-ce que j'y arrive ? Il y a une certaine manière de pas mal érotiser le rapport à la terre, à la campagne, l'effort, des petites choses comme ça. Et voilà, c'est une manière de jouer que j'aimais pas mal, c'est-à-dire jusqu'à quel point on peut érotiser un jeu et on peut érotiser des descriptions et produire une ambiance particulière, du coup, sans jamais parler de sexe, en fait. C'est essayer de reprendre une scène d'acte sexuel et en profiter pour narrer autre chose. Ça, c'était dans mes expériences confirmées avec des joueuses. Le jeu schizophrène... Un instant, en fait, j'ai une petite réaction là-dessus. Oui. Ça me fait penser, en fait, que tu peux utiliser... à mon avis, tu dois pouvoir utiliser utiliser le sexe dans les mécaniques de conflit. C'est-à-dire que... En fait, qu'il y a un conflit entre personnages qui va se dérouler par l'intermédiaire du sexe. Et je sais que moi, j'ai fait une partie où il y avait des conflits, par exemple, qui étaient joués par des scènes de danse. En fait, on utilisait la danse un peu comme une épée ou comme un... Au lieu de faire un combat de diplomatie, on utilisait la danse, entre guillemets. Et, je pense que dans Caverne Carnage, la partie que tu avais fait, Félix, où justement vous étiez donné comme contrainte... d'essayer d'aller le plus loin possible en termes de violence et de sexe. Je suis à peu près sûr que vous avez joué des conflits qui impliquaient justement des relations charnelles entre personnages, quoi. Pas tant de conflits que ça. Mais par contre, ce que tu disais sur... alors, on s'en éloigne un petit peu, mais jouer des conflits par de la danse, des choses comme ça. J'ai un souvenir d'une partie vénitienne où il y avait tout un jeu d'influence qui se jouait entre les danseurs et un chef d'orchestre en une espèce de réception mondaine, et où le chef d'orchestre dominait la façon dont se passait la danse par plaisir, par recherche de contrôle, puis des gens essayaient de le déstabiliser. Il y avait une espèce de jeu de pouvoir secret qui se jouait comme ça. Et j'ai un tout petit commentaire aussi sur des notions de contrat social et de jeu safe. Bon, ça fait partie un petit peu de mes préoccupations, c'est comment on peut mettre en place du jeu potentiellement adulte entre guillemets, ou avec des thématiques choc, sans pour autant que les joueuses sortent traumatisées de leur partie. Et j'ai tendance à penser, parmi toutes les expérimentations que j'ai pu faire, je trouve que Influenza, c'est encore le jeu où j'ai des jeux que je propose, c'est sans doute le plus safe, dans le sens où finalement les conséquences des conflits, c'est quand même toujours toi en tant que juge qui les raconte. Ce que ton personnage subit au final, c'est toi qui as le dernier mot pour dire qu'est-ce que c'est exactement, comme tu rédiges tes phrases, en fait. Et je crois que ça permet d'avoir un jeu relativement safe de ce point de vue-là, quoi. Alors pour le coup, le fait de préécrire le théâtre ensemble aussi, c'est une façon de choisir et écarter les thèmes qu'on veut ou qu'on ne veut pas faire intervenir. Ça ne, présume pas de ce qui se passera ensuite dans la fiction, mais ouais, ça par exemple, te si donne un espace pour se mettre d'accord. Si tu choisis de dégager cher, par exemple, ou si tu choisis de dégager amour, ça, bah, c'est une façon de dire on va limiter le sexe ou on va limiter la romance. Ouais, puis même le fait de passer en fait, un brainstorm un certain temps à discuter, ça donne un peu plus de possibilités que simplement poser 2-3 questions en début de partie. Quoi. J'aime bien en général, quand j'ai peur des thèmes que je vais aborder, demander en début de partie si les gens ont des problèmes avec ceci et cela. Mais c'est une question qui, posée telle quelle, brute, marche assez mal en fait. Alors que si on amène ça doucement pendant 15-20 minutes à se demander ce qu'on joue, quel thème, et ainsi de suite, il y a beaucoup plus d'espace, je trouve, pour s'exprimer. Et du coup, le jeu schizophrène insécure, c'était quoi? Alors, c'est un terme volontairement provoque. Hein. Mais l'idée, c'est vraiment là, dans la volonté de secouer un peu le moteur de jeu. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, une joueuse a le droit de dire au début de l'instance de quelqu'un tu vas me jouer moi. Ou une variante, c'est-à-dire quelqu'un qui va décider de lui-même de jouer le personnage de quelqu'un d'autre. Alors ça peut sembler bizarre et pas forcément. Quoi, vous échangez les feux de perso? Oui, pour le coup, ouais. Ok. Au cours de l'instance. Et ce qui, en fait, ça fonctionne mieux qu'on pense parce qu'en fait, ça, vu que chacun pourra prendre le personnage d'un autre. Ça incite encore plus les gens à avoir vachement d'attention sur ce que font les autres et à poser énormément de questions pour comprendre ce que fait l'autre. Quoi. Ah, c'est sympa. Puis en plus, avec les phrases, t'as quand même un bon historique du personnage qui est tracé. Quoi. Donc pour respecter ce qui a été dit avant, c'est plus facile. C'était quoi le dernier truc? Après, je pense que j'aurais plus rien à dire. C'est pas changer un thème au hasard en cours de jeu? C'est ça. Voilà, c'est ça. Jeu sur la liste, changer un thème au cours de jeu, en cours de jeu. Ouais. Là, pareil, ça marche surtout en carte rouge. C'est-à-dire, c'est histoire de mettre du challenge, c'est un peu comme dans les concours d'impro qu'on peut faire en convention. C'est-à-dire, une fois par chaque joueur, ça marche sur les grosses tables, genre 4 ou 5. Chaque joueur a droit, une fois au cours de la partie, de changer et d'imposer le thème d'un joueur ou d'une joueuse, et il peut le faire au moment qu'il veut. Et voilà, c'est d'où le côté jeu surréaliste. Ça fait partie des petites techniques pour booster des manières de jouer un petit peu quand on est lassé ou autre. Juste une petite question sur les horaires, parce que là, du coup, il est 23h06. Est-ce que ça vous va si on s'accorde 5-10 minutes pour terminer ou vous pensez que c'est assez? Pour moi, c'est bon. Après, je suis pas sûr. Moi, c'est bon. Et comme Félix, tout pareil. Okay, je suis pas sûr non plus. Enfin, on a déjà quand même bien balayé le truc. Ouais, alors je vérifie juste. Très rapidement, donc il y avait la notion, mais c'est vrai qu'à la limite, ça a déjà été pas mal abordé par ailleurs. Il y avait la notion d'exporter... utiliser les règles d'Inforenza pour jouer dans un autre univers. Vous aviez joué notamment dans votre campagne de Rajaban. Oui. Eugénie et Julien. Ouais. Ouais. Alors ça, je peux peut-être dire une petite chose dessus. L'idée, c'était la question que je me posais. On était déjà à 5 sessions dans cet univers, et l'idée, c'est comment on fait jouer dans une ville alors qu'on est dans un univers émergent, que les personnages ne connaissent pas la ville et que les joueurs ne connaissent pas la ville. Est-ce que je leur file 80 pages de background pour qu'ils le maîtrisent et qu'ils l'apprennent par cœur pour pouvoir jouer avec? Et sinon, comment je fais? Et là, l'idée, je me suis dit, je vais tout mettre dans un théâtre in Florenza, comme ça, tout sera sur une page, et ils vont déjà savoir ce qu'il y a sur la page, et puis ils vont jouer avec, et comme ça, leurs personnages qu'on va développer dans le théâtre Inflorenza en jouant la Inflorenza, ce seront des personnages non-joueurs qu'on réinjectera dans l'aventure principale. Et ça a vachement bien fonctionné, ça a tellement bien fonctionné que ça a modifié totalement l'enjeu de la campagne, puisqu'on est parti après sur les conséquences de ce qu'ils avaient exploré avec Inflorenza plutôt que sur ce que j'avais prévu originellement. Sachant que la campagne, c'était vraiment du Medfan classique, c'était motorisé par Chroniques Oubliées. Voilà. Et l'idée, c'est là où ça a vraiment bien marché, où je vais m'en resservir prochainement, c'est de comment on propose aux joueurs de prendre en main un background qui est parfois un peu complexe, quand on n'a pas envie de leur infliger un pensum ou 50 pages de background, quoi. Donc là, on est en train de bosser avec un autre meneur sur une campagne de Exil, et l'idée, c'était de commencer par une session Influenza où les différents thèmes de Exil seraient déclinés dans un tableau. Dans un tableau des thèmes. Je crois que tu avais la notion du coup de jouer, comme tu es dans un autre univers que celui de Milvaux, de jouer sans égrégore, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de télépathie entre les personnages? Alors tout dépend en fait. Dans Radjaban, pour le coup, il y a un domaine qui est important, c'est celui du rêve, et qui est vraiment maîtrisé de manière consciente par une peuplade et pas par les autres. Donc du coup, j'ai utilisé le rêve pour simuler l'égrégore dans le monde. Donc soit on peut trouver des choses de substitution. Je crois que certaines personnes avaient joué dans le monde des chroniques des Féales et avaient trouvé des équivalents aussi. Ouais, tout à fait, c'est Kirdin qui fait ça, il a joué une campagne Chronique des Féales avec Influenza. Ouais. Mais après, je veux dire, il n'y a pas forcément besoin d'excuses, enfin pas d'excuses, mais de principes de l'univers pour que des volontés s'opposent. Donc à partir de ce moment-là, même si ce n'est pas justifié par les Grégor, il n'y a pas de problème C'est le destin, entre guillemets, quelque part c'est presque finalement les dés de bonus et malus d'environnement que tu as dans les jeux classiques. Exactement, donc en fait les Grégor n'est pas une condition sine qua non pour pouvoir utiliser ça, seulement ça ne sera pas de la télépathie, ce seront des volontés qui se tendent l'un vers l'une vers l'autre, une influence du destin ou juste des circonstances qui vont dans un sens ou dans un autre. D'ailleurs, en termes de game design, cette idée de pouvoir jeter les dés juste par la volonté du personnage, voire même juste la volonté de la joueuse qui veut faire sa MJ d'un coup, entre guillemets, en agissant à distance, c'est une transposition des dés de crasse du DK système, en fait. C'est du DK système, en fait. Et donc pour finir, peut-être Félix, si tu veux bien nous accorder le mot de la fin, on voulait parler des variantes d'Influenza, et notamment, je crois que tu voulais nous parler de ton expérience sur Influenza Bianca. Oui. Ça fait l'occasion d'ouvrir sur beaucoup de trucs, parce que bon, Bianca, donc c'est je pense que ça doit être ton jeu le plus court jusqu'à maintenant, il tient en une page imprimée, même pas, et plus ou moins rédigé en vert. En fait, c'est ce que j'appelle un jeu Koan, en fait, j'appelle ça. C'est-à-dire que c'est une série de vers un peu énigmatique. Ouais. Et bon, je vais commencer par la fin avec un commentaire d'un de mes joueurs qui me semblait assez à propos. Il disait que finalement, il y a tellement peu de matière qu'il n'y a pas exactement un jeu de rôle explicitement écrit, même si on devine des règles. Il y a les deux symboles et la quête, ce qu'on retrouvait aussi dans Influenza Minor. Mais il y a. Une espèce de matière déjà pâte à modeler plus assumée cette fois-ci qui est faite pour fabriquer un jeu avec lequel on va jouer ensuite, quoi. Et donc là, c'est quand même une énorme épreuve de subjectivité. On va dès le début influencer énormément le jeu par rapport à tes intentions, quoi. Et ça avait donné une anecdote rigolote avec moi, parce que quand le jeu est sorti, je savais depuis un moment j'avais entendu dire en tout cas que tu bossais sur une version esthétique sans matériel de Influenza, tout comme Minima et sa version morale sans matériel. Ouais, et quand Bianca est sortie, j'ai sauté dessus en étant persuadé que c'était ça, et que ça allait être l'occasion de jouer du vertige logique. On a fait une partie où les gens n'incarnaient pas de personnage vraiment, sautaient d'une scène à l'autre sans savoir si ça passait avant ou après. Ça ressemblait énormément à un rêve, c'était très spécial. On a joué dans le noir, on avait mis tout un décorum, et c'était une virée purement et profondément esthétique, quoi. Je me suis rendu compte plus tard qu'en fait ce jeu que j'attendais de toi, c'était pas du tout celui-là. Ça c'est Comédia, ouais, c'est pareil. Exactement. Faut que je le sorte et tout. Et du coup, moi j'ai vu très très clairement mon attente très précise pour ce jeu qui a changé complètement la façon dont je l'ai pris, quoi. Et ça a donné une partie courte qui était assez exceptionnelle d'ailleurs, qui m'a beaucoup marqué à trois joueurs. Ouais. Ouais, il y a notamment cette scène où il y a un personnage qui arrive à gravir une colline, c'est ça? Non, c'est un arbre. Un arbre, ah oui, ouais. Effectivement. Qui arrive à gravir un arbre, une sorte d'arbre mythologique. Et puis on refait la scène où en fait il a échoué. Puis ensuite on refait la scène où il a réussi, les différentes conséquences et ainsi de suite. Ouais, il traverse une foule, il sait qu'il a réussi à gravir l'arbre et les gens l'ignorent. Et ouais, et du coup, t'as fait une succession de entre guillemets, de what if, des choses qu'on aurait plutôt d'habitude vues à Dragonfly Motel. C'était vachement intéressant. Ouais. Ouais, t'avais noté que t'avais trouvé Minima beaucoup plus dirigiste et précis, mais ce qui est vrai. Hein. Ouais, bah je. J'avais l'impression que Minima était construit autour de sa mécanique de résolution qui est. La mécanique de résolution, c'est des choix moraux. Et ouais. j'ai maîtrisé ça en ayant que ça en tête, en fait, en me disant à chaque instant, je fais avancer l'histoire, mais comment est-ce que je vais pouvoir placer un choix moral un peu dégueulasse? Comment est-ce que je vais pouvoir amener ceci, cela? Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Et ça m'occupait beaucoup l'esprit, alors que dans Bianca, par exemple, bah, comme dans Dragon Flame Hotel, j'étais juste dans. La description dans le j'ai le même problème sur Minima, c'était le truc de comment je cale un choix moral maintenant ici, c'était parfois un peu handicapant en fait sur la maîtrise. Bah, de fait, c'est le jeu peut être exigeant. Après, quelque part, la respiration d'In Forenza Minima, c'est justement de prendre des temps d'introspection pour réussir à trouver justement plus tard de la prise, quoi. Il y avait eu des réflexions similaires pour le jeu Terre de Sang de Simon Lee, où on alterne des phases d'introspection et qui se terminent par des gros choix moraux pour les personnages. Quoi. Et dans une des versions du jeu, une personne était dès le début désignée comme guide pour explorer le personnage, puis devait imposer un choix moral. Et ça pouvait être une source de stress un peu non désirable quand on sentait qu'on posait des questions, jusqu'à en arriver. Il y a un moment où il faut rendre sa copie, quoi. Il faut trouver le choix en question. Et c'était pas une structure si évidente que ça. Il l'a changé en mieux, à mon avis. Ouais, dans Arbre, qui est un hack d'In Forenza Minima, c'est un peu plus séparé, parce que du coup, il y a entre guillemets, la joueuse, elle joue en plus de son personnage, elle joue Goupil d'un autre personnage. Et un de ses rôles, ça va être notamment d'enquêter sur le personnage, quoi. Mais sans forcément, après, derrière, être obligé de proposer un choix moral, parce que c'est le MJ qui va pouvoir proposer un choix moral. Ou inversement, des fois, c'est le MJ qui va enquêter et le Goupil qui va proposer un choix moral. Donc, du coup, il y a un peu moins de... Bon, sauf qu'en réalité, ça marche pas en gameplay émergent, parce que les Goupils font pas du tout ce que je leur demande de faire. Ils font complètement autre chose. Notamment conseiller aux personnages de faire des trucs borderline ou alors leur reprocher ce qu'ils ont fait. Un petit peu comme les démons ou celles de Milvaux. C'est plutôt pas que. C'est surtout la voix de la conscience, quoi, en quelque sorte. Je pense que c'est pas mal. Hein. Il y avait plein de bébés, plein de gameplay émergent. plein de best gamers et de best gameuses number one. Donc, c'était cool. On va passer en private maintenant. Donc, petite musique jazzy. Et on vous laisse là-dessus.